monstrueuse celle-là. Le but de cette finale. C'est fini, Loulou Nicolas. Montpellier, René Girard, il se prie magnifique. Premier mot, premier ils sont champions de France. Regarde. La bataille était le mal. La bataille était le mal, ce moment-là. On est les champions, putain! On est les champions! Bonsoir à tous et bienvenue sur Sport & Chill. On est le lundi 26 février et c'est l'émission 22 de cette saison 3 de Sport & Chill. On est en plein milieu de la saison là. On sent l'hiver parce qu'il fait très froid à Montpellier aujourd'hui. Mais ça veut pas dire qu'on va faire une mauvaise émission, loin de là. Aujourd'hui d'ailleurs, on va parler donc du derby et du classique. Moi je dis classique, j'aime pas trop dire classico vu que ça appartient à l'Espagne justement. Merci. En Ligue 1. Le très gros week-end aussi aux 6 nations avec des très beaux matchs qu'il y a eu ce week-end, on en parlera tout à l'heure. Le résumé de ces Jeux Olympiques qui viennent de terminer ce dimanche avec la cérémonie de clôture, hein. Théo est très content. Et donc les sports montpelliérains, un week-end un peu mitigé puisqu'il y a eu 3 victoires, 3 matchs nuls et 2 défaites ce week-end pour le sport montpelliérain. Et on aura en deuxième partie d'émission une interview de l'équipe de Quidditch de Montpellier qui s'appelle les Black Wands, donc les baguettes noires. Si je traduis bien. Quel bon anglais. on les recevra tout à l'heure en deuxième partie d'émission. On parlera un peu Quidditch. On va passer. On va passer tout de suite au résultat, mais non, j'ai pas présenté mon équipe de ce soir. Pourtant, j'ai une très bonne équipe. Hein. Salut Paul qui est à ma droite. Salut. Romain qui vient d'arriver, mais qui à l'heure. Toujours aussi. Just on time. Parfait. Théo qui revient, qui était pas là la semaine dernière, mais qui revient dès que ça parle Jeux Olympiques, hein, il faut qu'il soit là forcément. Ah ouais. Franchement, toujours là pour les JO. Salut tout le monde. Et Dimitri qui est à ma gauche, le dernier chiller de ce soir, salut. Salut la famille. Allez, on traîne pas et on passe tout de suite au résultat de la semaine. Sport and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier. Et surtout, on va parler aujourd'hui de deux sports principaux, mais on va les laisser pour la fin, hein, savoir le football et le rugby. Moi, je vais commencer avec le handball, puisqu'il y a eu beaucoup de choses aussi au hand, avec le championnat. Le PSG qui a gagné à Dunkerque 27 à 22, Nantes qui gagne 39 à 30 à Saran, Nîmes, bah là, c'est terminé pour les Nîmois au handball, qui avait fait une très bon début de saison, puis là, ça ne va plus, puisqu'ils perdent à domicile 25 à 26 contre Saint-Raphaël. Bon, ce n'est pas n'importe qui non plus en face, mais c'est une défaite tout de même pour les Nîmois. Au classement, le MHB est premier, solidement premier avec 29 points, 6 points d'avance sur le PSG. D'ailleurs, c'est le prochain match en championnat. On va voir peut-être que si Montpellier est déjà sacré champion, peut-être cette semaine. On verra bien ça la semaine prochaine. Saint-Raphaël est juste un point derrière le PSG. Nantes, un point derrière Saint-Raphaël. Et Nîmes, qui est passé à la 5e place, un point derrière Nantes. Au niveau de la Ligue des Champions, il y a eu les barrages pour les groupes inférieurs en Ligue des Champions, avec Montpellier notamment, mais on en parlera tout à l'heure. Et l'autre match, c'était Motor contre Schkern, et c'est Motor qui a pris l'avantage 32 à 30. Du coup, ça se jouera au retour pour Schkern, normalement qui devrait peut-être le faire, parce que c'est une équipe un peu plus supérieure pour les connaisseurs de handball. Au niveau des autres matchs, dans les poules supérieures, Brest a été, Brest les Russes, hein, qui a été faire l'exploit, hein, à domicile 29 à 28 contre le PSG. Première défaite du PSG d'ailleurs en Ligue des Champions. Kiel qui perd à domicile aussi, 29 à 30 contre Kiel C. Flensburg, Veszprém, match nul, 31 à 31. Et Nantes qui fait l'exploit également, qui va battre le champion en titre, à savoir le Vardar, 27 à 26 pardon, chez eux. Au niveau des qualifiés, je suis un petit point dessus. Dans le groupe A, le Vardar a priori premier, puisqu'ils recevront donc le Wisla Plock, qui n'est pas une équipe très forte, hein, si je peux m'exprimer comme ça. Nantes et Barcelone entre la deuxième et troisième place, on verra ça, c'est important, puisque ça sera soit Nantes, soit Barcelone qui affrontera Montpellier, si Montpellier se qualifie en barrage. Donc ça serait peut-être bien pour les Montpelliérains d'avoir nos amis français que Barcelone. Ils connaissent mieux déjà. Mais ouais, voilà, même si Barcelone, même si Nantes fait une très bonne saison en Ligue des Champions cette année. Et ce sont deux grosses écuries, je pense, dans tous les cas. Mais bon, on peut penser que Barcelone, sur le papier, a plus d'expérience, en tout cas des grosses échéances européennes. Et que même si ça fait un peu mal, des fois, de prendre les clubs français, il vaudrait peut-être mieux. Exactement, c'est vrai. Il reste donc Rijnekar et Jeged qui sont qualifiés pour le groupe A. Il reste juste une place à prendre pour le groupe A. Dans le groupe B, toutes les places sont prises. Le PSG solide premier. Deuxième place entre Veszprém, Flensburg et Kiel. Kiel C et donc Mekov-Brest prennent donc les deux dernières places de ce groupe. En cyclisme, je vais continuer direct sur du cyclisme. Il y avait le Tour d'Abu Dhabi, hein, donc victoire d'Alejandro Valverde. Plus il gagne. Voilà. Devant Wilco Kelderman et le Colombien Lopez. Donc le premier français est quatrième, juste derrière. Et c'est Julian Alaphilippe. Kelderman, le pote de notre ami Warren Barguil. Ouais. Qui a fait, entre guillemets, virer Warren Barguil. Sur la Vuelta, ouais. Sur la Vuelta. Pas lui directement, la direction d'équipe. L'autre course était Het Nieuwsblad. Et donc c'était la première petite classique, on va dire, en Belgique. Et la victoire du Danois Valgren, donc de Astana, devant Wisniewski des Sky. Premier français Arnaud Démare qui se classe 9e. Et justement Astana qui va peut-être mettre la clé sous la porte cette saison, parce qu'ils sont en recherche de financement très active. Le gouvernement kazakh n'a pas encore mis les sous et ils ne peuvent pas payer leurs coureurs. On ne sait pas si ils vont pouvoir courir d'autres courses cette année. Astana, ils sont pas bien cette année de façon. Ouais. Malgré cette victoire. Ah bon, c'est quand même une équipe qui est quand même là depuis 2007, plus de... je crois, non ? Ouais, c'est depuis 2007. Donc oui, c'est une équipe historique maintenant du peloton, ouais. Qui a remporté plusieurs fois des grands tours, avec l'habitude d'avoir des grands coureurs dans son équipe qui ont marqué l'histoire à la fois des grands tours et même des classiques. Hein. On peut penser à Vinokourov, bien sûr, ouais, Qui est directeur d'équipe. Et donc c'est assez étonnant de les voir à la dérive maintenant, mais voilà, il y a une certaine les coureurs maintenant fuient un peu cette équipe aussi avec sa réputation, et je pense que c'est compliqué de trouver des financements du coup. Très bien, on passe au basket. Je voulais pas trop parler d'NBA aujourd'hui, mais on avait plutôt un point équipe de France. Je vais vous donner quelques résultats pour l'équipe de France, notre chère équipe de France qui a été reçue 4 sur 4. Pour ces deux matchs à domicile, les Français en ont remporté face à la Russie 75 à 74, et ils l'ont remporté hier face à la Belgique 64 à 49. On peut noter la magnifique prestation de Boris Diaw. Très bien, moi j'ai passé au tennis. Il y a eu plusieurs tournois, même de nombreux tournois cette semaine. L'ATP 500 de Rio, notamment le plus important de cette semaine, et victoire de Schwartzmann 2-7 donc contre l'Espagnol Verdasco. Le seul Français, Gaël Monfils, est éliminé donc très tôt dans le tournoi, puisque avec une défaite en quart contre le vainqueur, donc Schwartzmann. C'était aussi l'ATP 250 de Marseille en France, donc des aires d'Open Sud de France évidemment, avec la victoire de Karen Kachanov face à Lucas Pouille en 3-7, 7-5, 3-6 et 7-5 encore. Donc les deux qui étaient présents à l'Open Sud de France, comme quoi ils reviennent à l'Open de Marseille, c'est souvent d'ailleurs le cas dans les tournois français. Et Lucas Pouille qui enchaîne bien d'ailleurs. Ouais, finale puis victoire à l'Open Sud de France malgré sa mésaventure, sa méforme, on va dire, à Rotterdam. Il y avait aussi donc chez les hommes encore l'ATP 250 de Delray Beach, finale peu alléchante puisque c'était une finale entre Gojovic, l'Allemand, et Tiafoe, donc le jeune espoir américain. Et donc c'est ce dernier donc qui a gagné en 2-7, 6-1, 6-4. Seul représentant français, c'était Jérémy Chardy, éliminé dès le premier tour, donc par Juan Martín del Potro. Oui, normalement, il devait y avoir Adrien Marinarino, mais il a déclaré forfait pour surmenage, il me semble. Et donc, chez les féminines, hein, c'était WTA de Budapest, victoire de Cibulkova, la tête de série numéro 1 du tournoi. Et le gros tournoi de cette semaine, c'était à Dubaï, évidemment, avec la victoire de Svitolina en 2-7, 6-4, 6-0 sur Kazatkina, donc deux Françaises qu'il y avait seulement dans ce tournoi. C'était Mladenovic qui a fait on l'a dit la semaine dernière, qui a fait un first, donc défaite au premier tour face à une wildcard. Ça faisait longtemps. Et deuxième Française, c'était Caroline Garcia qui a été éliminée en quart par Muguruza. Voilà. On va passer aux deux sports qui nous restent. Hein. J'ai été plus vite pour qu'on parle de ces deux sports, puisqu'il y a eu une actualité assez dense cette semaine. Avec le football, on va commencer par le foot. Et la Ligue 1, il y a eu... Bon, je vous donne trois résultats principaux. Hein. Donc, TFC contre l'ASM, donc l'AS Monaco, 3-3. L'ASM qui s'est fait remonter à la toute fin par Toulouse. C'était le derby, donc dimanche à 17h entre l'OL et les Saint-Etienne, 1-1. Et hier, c'était la victoire du Paris Saint-Germain dans le classique 3-0 contre l'Olympique de Marseille. Ce qui fait qu'au classement, je check ça, le PSG est solide premier évidemment. Devant Monaco 57, OM 55 points et Lyon qui décroche un peu avec 50 points. A noter que Montpellier est 5ème juste derrière ce quatuor. Peut-être une ou deux réactions déjà sur le derby qui a eu lieu à 17h. Ben, sous le derby, je dirais que Lyon s'en tire avec de la casse surtout. Avec de la casse. Fekir sorti sous blessure, Raphaël sorti sous blessure. Je pense que les prochaines semaines vont être compliquées pour Genesio, donc on va voir. Et surtout, ils sont sortis avec encore plus de problèmes qu'avant le match. Depuis le match de Paris, ils enchaînent 5 défaites, il me semble. Depuis le mug. Depuis le mug, 4 ou 5 défaites. 5 défaites, ouais. Enfin, 5 matchs en victoire. 5 matchs en victoire, sans compter l'Europa League. Hein. Mais c'est surtout au niveau de l'envie. Là, c'est un derby. Et d'habitude, ils font une bonne mi-temps. Et après, il n'y a plus rien derrière. Là, c'était le vide. Est-ce qu'ils ont pas total. Pris un peu de haut l'équipe de Saint-Etienne? Je sais pas, mais ils doivent absolument se remettre en question en Ligue 1 parce qu'ils avaient une bonne opportunité avec le nul de Monaco et en sachant que Marseille allait à Paris. Ils pouvaient reprendre des points sur leurs concurrents directs. Et là. On n'a pas vu une équipe qui avait envie d'être sur la deuxième marche du podium. Non, c'est sûr, c'est très surprenant, je trouve, les performances actuelles de l'OL en championnat, parce que pour les avoir vus jouer aussi en Europa League en semaine contre Villarreal, soit à l'aller ou à leur retour, ou au retour, ils ont fait des matchs solides. C'est une compétition pour le moment où ils figurent bien. On sait que c'est un objectif du club, bien sûr. Mais en championnat, on pouvait penser que peut-être le match contre Paris pourrait être un déclic, justement pour vraiment trouver de la régularité pour cette équipe et remporter le plus de matchs pour pouvoir... prétendre à remporter cette seconde place, hein, qualificative directement pour la Ligue des Champions, et finalement c'est tout le contraire qui se passe, comme si cette équipe effectivement l'a joué maintenant un peu trop facile, et puis je trouve qu'ils prennent quand même pas mal de buts. Alors bon, contre Saint-Etienne ils en prennent qu'un, mais les autres semaines ça en a été un peu le signe. Et puis je sais pas, peut-être que le premier match contre Saint-Etienne, le derby à Saint-Etienne où ils leur en ont mis 5, ont fait qu'ils ont pensé que le match allait être pas si difficile, surtout après l'ouverture du score de Mariano, mais les Verts ont fait vraiment un gros match. Ouais, surtout mais je pense surtout qu'il y a une faute de fatigue, je pense à certains joueurs clés, je pense à Fekir, parce que je sais pas, vous savez, durant le dernier mercato, Grenier est parti. Et je pense que Fekir a joué 13 matchs depuis le début 2018, donc il est assez fatigué. Il a même joué le match de Coupe de France contre Montpellier. Oui. Ils n'ont pas assez reposé, je trouve. Ils ont beaucoup compté sur lui, et c'est lui qui est le meneur de est-ce qu'ils ont les moyens de le remplacer? Ouais, parce que derrière, Cornet, c'est pas terrible. Ah, ça vaut pas un dixième de Fekir. Oui, voilà, c'est ça. Donc, et au niveau de la défense, c'est un problème récurrent des Lyonnais. Ils pensaient avoir trouvé la solution en recrutant des joueurs d'expérience, notamment Marcelo. Là, ce Marcelo qui devait être le taulier en défense, il est dans le dur. Yang Ambiwa, on le voit plus. Morel fait du Morel. Donc, c'est encore une fois le problème de la défense qui est problématique. C'est problématique pour lui. Le problème est problématique. On va passer à notre classique, hein, avec hier la victoire du Paris Saint-Germain 3-0 contre Marseille. J'ai pas les buteurs, mais donc le premier c'était Mbappé, deuxième Rolando qui fait un contre Cavani. Et Cavani qui marque le dernier but, qui a vu le match, qui voulait réagir dessus. Un fin de match, la même chose, il y a eu de la Cassio, Neymar. Voilà. Bah, après, parce que c'est pas le karma un peu de tomber un petit peu souvent. C'est toi qui se fait mal tout seul. Hein. Ouais. Il n'y a pas une agressivité folle pendant ce match. Pour un classique, franchement, c'est assez étonnant d'ailleurs. Qu'il n'y ait pas d'engagement. Et Neymar, à la fin. C'est, encore une fois, c'est le coach d'Emery aussi qui est bizarre, qui sort Mbappé, mais qui ne sort pas Neymar. Le match est sécurisé à 3-0. Surtout pour le souffler, avec des champions qui arrivent, voilà, ou même la coupe qui arrive contre Marseille encore. Ben, encore une fois, Emery, assez étrange dans son coaching, je trouve. Bon, je sais pas ce que vous en pensez vous aussi, mais ouais, non, ça peut être un peu surprenant, surtout que c'est une prise de risque sans doute inutile. On sait que dans ces matchs, alors c'est pas ce qui s'est passé, c'est vraiment presque voilà le karma, je sais pas, mais faute à la malchance en tout cas lors de ce match pour Neymar. Sur le feu, hein, ce que je dis. je me doute bien, mais bon, c'est vrai que sur ce match, il y a pas eu particulièrement d'agressivité, mais si le joueur est sur le terrain dans un match comme celui-ci, il y a ce type de risque et on sait que quels sont les objectifs de Paris, que le championnat est étouffé, que même malheureusement pour les Marseillais, un classique pour les Parisiens n'a plus une si grande importance qu'il pouvait l'avoir à une autre époque. Après, moi, là où j'étais aussi surpris dans le mauvais sens du terme, c'est quand même par Marseille. J'espérais mieux. Alors, ouais. En réalité, le score ne me choque pas, d'autant plus que c'était à Paris et qu'on sait tellement il est difficile de faire un résultat au Parc des Princes, mais au vu de ce que Marseille montrait, notamment offensivement ces dernières semaines, je trouvais que finalement le meilleur avait été, pour en avoir discuté aussi au boulot pour le coup avec un supporter marseillais, a été Zambo Anguissa, qui a été vraiment pas mal au milieu, qui a apporté quelque chose. Après, à l'inverse, notamment Thauvin, Germain et Payet, assez transparents par rapport à l'apport offensif qu'ils auraient pu avoir. Après, à savoir si justement ils attendent pour mettre tout sur le match de Coupe de France, mais la différence c'est que Marseille ne pourra pas faire tourner, alors que le PSG a presque deux équipes, hein, bien sûr, entre le championnat et la coupe. On va passer à notre donc Champions League. Il y avait donc 4 matchs encore cette semaine de Champions League. Il y avait donc Bayern qui a mis 5-0 au Beşiktaş malgré le carton rouge donc des Turcs. Le match un peu moyen, c'était Séville contre Manchester United, hein, le match nul et vierge de 0-0. Shakhtar Roma 2-1 contre pour le Shakhtar, donc pour les Ukrainiens ou pour les Russes, hein, ça dépend des aujourd'hui tu vas avoir des problèmes, toi. C'est vrai. Il va nous créer une crise diplomatique à l'antenne. Ouais, exactement. Je sais pas si les Ukrainiens nous écoutent, mais ils auraient pas aimé ça. Et donc, mais équipe solide, hein, Donetsk, très très dur à prendre et qui a remporté beaucoup de matchs contre des grosses équipes à domicile encore cette saison. On en parle peu, mais à chaque fois ils font des bonnes saisons européennes généralement. Et donc le dernier match, celui dont lequel nous allons parler peut-être un peu plus, c'est Chelsea-Barcelone avec un partout à Stamford Bridge. Est-ce que c'est déjà terminé? Enfin, je dis ça, mais bon, pour Chelsea, même s'il n'y a que un partout, on sait que Chelsea peut faire beaucoup de choses au Camp Nou. Ils l'ont déjà prouvé par le passé, mais un Barça qui a su réguler un peu son match tout de même. Je pense que c'est l'erreur de relance de Christensen qui a été la chose qui a fait tourner le match. Mais moi, j'étais plus sur l'erreur de mince, le capitaine Azpilicueta. Azpilicueta qui se trouve aussi sur le but quand même de Barcelone. Ouais, en tout cas c'est sûr que c'est dommageable vraiment ce but pris à domicile à Stamford Bridge, surtout que quelque part moi j'espérais pas vraiment, j'attendais pas un miracle, j'ai envie de dire, de la part de Chelsea qui est un peu moins bien, je trouve, clairement en ce moment, notamment en championnat, ils le prouvent. Mmh. À l'inverse, comme beaucoup de grandes équipes, ils ont réussi à élever leur niveau de jeu lors de ce match contre le Barça. Mmh. Ils ont montré de belles choses, ils ont eu des opportunités, ils auraient pu marquer plus d'un but, notamment par Willian, qui a été vraiment, vraiment bon lors de ce match. Et finalement, malgré des belles intentions offensives pour une équipe habituellement qui joue assez fermée, le Barça a pu mettre ce petit but, hein, de Messi, qui visiblement rompt la malédiction à Stamford Bridge pour lui contre Chelsea, et je pense que effectivement ce but va peser très lourd dans la balance, d'autant plus que le Barça, je le pense, sera même difficile à aller chercher en Ligue des Champions. J'ai un petit bémol quand même par rapport à la compétition de Chelsea, c'est le fait d'avoir mis Hazard en pointe, ça m'a complètement choqué, ouais. Parce que c'est pas son poste de prédilection, alors que tu as un Morata et un Giroud sur le banc. Donc comment est-ce possible? Après, Morata est sur le retour, blessure, et peut-être que Giroud est qualifié pour la Ligue des Champions. Ben oui, c'est ça. Attends, est-ce qu'il y a un souci avec l'Europa League? C'est une bonne question. Ça me semble pas, parce que je sais que Arsenal, Aubameyang, il peut pas, par exemple, disputer la coupe. Enfin, c'est un truc spécial. Je crois que si l'équipe est encore dans une compétition européenne, il peut pas jouer, quoi. C'est sûr. C'est-à-dire, par exemple, au contraire, Sanchez, par exemple, avec Manchester United, peut jouer la Ligue des Champions. Parce que l'équipe d'Arsenal n'a jamais été en Ligue des Champions cette année. D'accord. Par contre, Aubameyang qui arrive d'Arsenal, de Dortmund d'Arsenal, Dortmund qui est en Ligue des Champions, qui est en Europa League cette année quand même, n'a pas le droit de jouer. Donc après, je suppose que oui, Giroud, puisque tu as eu à jouer l'Europa League, donc je pense que c'est possible. Ouais, je suppose que oui, puisque Arsenal est en Europa League uniquement et que Chelsea joue en Ligue des Champions. Donc. Effectivement. Dans ce cas, le choix peut paraître étonnant. Alors, choix tactique sans doute de la part d'Antonio Conte. Après, préjudiciable ou pas à son équipe, c'est difficile à dire. Après, bon, personnellement, de la même manière que Dimitri, je suis pas très fan des 10, tels que l'Espagne le faisait aussi avec Fabregas, qu'on met des fois en avant-centre au lieu d'un véritable buteur. Ils auraient pu le faire d'ailleurs. Comme dans ces matchs-là. Voilà, je pense que Conte regrette quand même les blessures à répétition de Morata, qui auraient pu être intéressants contre le Barça. Très bien, on va terminer sur ça et on va finir sur le rugby avec, avec un week-end, un très gros week-end déjà top 14 et puis aussi et surtout 6 nations. Canot doublant, oui, on peut commencer avec le top 14 avec une 18e journée finalement assez folle où le leader est plus que jamais leader et des promus qui se révoltent un petit peu. Donc Montpellier qui l'a emporté contre Bordeaux 11-10 au terme d'un match assez pauvre. Hein. Moi qui étais plutôt optimiste la semaine dernière, qui faisait les louanges du MHR, et ben là. On en parlera ensuite. On en parlera après, ouais. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, ouais. C'est le CO qui s'est imposé face au Loup 33-22 et Clermont qui perd à domicile donc contre Oyonnax. Ça c'est une des surprises, Oyonnax qui a gagné qu'un seul match depuis le début de l'année, c'était début septembre. Donc il s'impose 18-12, Agen va gagner aussi au Stade Français 36-34, Pau l'emporte face au Racing 24-15, ce qui fait les affaires du MHR. Le Stade Toulousain l'a emporté face à Brive 45-28 et le Stade Rochelet a perdu aussi à domicile contre Toulon 27-20. Donc, le gros coup de cette journée d'ailleurs de Toulon à La Rochelle. Oui, et ce qui fait les affaires de Montpellier d'ailleurs. Oui, très clairement. Ouais. Point sur le classement. Oui. Peut-être. T'en prie. Donc, comme je disais, Montpellier qui est assez largement leader, qui a fait le break sur le Racing. Donc Montpellier 60 points, le Racing 54 points, Toulouse juste derrière 53, Toulon 4e avec 52 points, 5e avec 51 et La Rochelle 6e avec 50 points. Donc Montpellier est devant et la deuxième à la 6e place, il y a à peine 4 points d'écart, donc ça va être assez serré pour la lutte pour l'accession en demi-finale directe et pour les phases finales. Et derrière, en queue de peloton, on a donc Oyonnax qui est bon dernier avec 18 points, mais qui peut-être va se relancer. C'est redonner l'espoir, oui. En recevant plus le Stade Français la semaine prochaine. Stade Français qui est pas bien, hein. Stade Français qui est 11e avec 28 points, qui est seulement à 3 points du premier relégable. Donc Agen 12e avec 27 points et Brive 13e avec 25 points. Très bien, on va surtout parler des destinations, débattre un peu plus bien dessus. Sûr. Ouais. Bien sûr, les destinations avec bon, certes l'équipe de France qui s'est imposée 34-17. Enfin, après 9 matchs sans victoire, ça va faire du bien un peu aux têtes. Mais ça, je pense qu'on y reviendra un peu après. L'Irlande aussi s'est imposée face au Pays de Galles au terme d'un match assez fou. 37-27 donc. Et surtout l'Écosse qui a gagné l'Angleterre après 10 ans sans avoir gagné les Anglais. Les Écossais qui renouent avec le victoire face au 15 de la Rose après un match de fou. Et surtout un joueur qui s'est illustré. C'est Hugh Jones, le deuxième centre écossais qui a fait un match de feu avec deux essais notamment. Un Finn Russell retrouvé aussi à la charnière qui a bien fêté la victoire avec Greg Laidlaw. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui a quelques coups dans le nez l'après-match samedi soir. Ouais. Il y avait de quoi, on peut l'accepter. Non, il y avait de quoi, ouais, tout à fait. Et ce qui du coup... Les folles nuits à Dublin, décidément. Ah, c'était pas Dublin, justement, j'allais dire en équipe de là, France. Là, c'est Edimbourg. Là, c'était Edimbourg, ouais. Mais justement, c'est c'était Edimbourg, du coup, ouais, parce voilà. Que c'était aussi Edimbourg. Exactement. Les Écossais qui ont montré la voie aux Français, hein, qui donc sont imposés 25-13. Bon, pour rappel, les Français ont perdu à Murrayfield 32-26, donc ils ont mieux fait que les Anglais. Bon, je sais pas si c'est une manière de voir les choses. C'est une manière de voir les choses, mais pour rester optimiste. Donc ce sera dans 2 semaines le crunch entre l'équipe de France et l'Angleterre. L'équipe de France qui a enfin gagné contre l'Italie. Est-ce que vous croyez que l'équipe de France s'est relancé face à l'Italie, rassuré peut-être pas dans le jeu, mais en tout cas, voilà, elle a montré que... Il nous fallait une victoire, ça c'est certain, depuis le temps qu'on l'attendait, ça faisait très long, hein, une année sans gagner un match, pour une équipe comme le 15 de France, c'est quasiment du jamais vu. Ouais. C'était presque du jamais vu, c'était quelque chose de clairement anormal, hein, il fallait pallier à cette série noire au plus vite. Après voilà, contre l'Italie, on attendait vraiment ce sursaut, et personnellement j'attendais aussi qu'on soit capable d'en profiter pour proposer plus de jeux. Pour autant, voilà, l'essentiel était sans doute à la victoire, et on s'est fait un petit peu peur, hein, faut le dire. Le score paraît assez large, mais ça a mis du temps à se décanter. Encore une fois, les Italiens qui craquent après la 60e. Oui, c'est un peu c'est peu systématique avec les Italiens. C'est, et puis bon, c'est un match qui a été quand même très pauvre techniquement. Bon, on a vu le 11e contre le 14e au classement IRB. C'est sûr que c'était pas on s'est pas rassuré, on a pas vu de grosses envolées. On a souffert de la comparaison avec les matchs entre anglo-saxons, quoi. C'est clairement C'est sûr qu'il y avait l'impression qu'il y avait deux divisions d'écart, quoi. Complètement. Entre le match du vendredi soir et les matchs qui ont eu lieu le samedi, ça c'est très clair. Voilà, après l'équipe de France fait un peu avec les moyens du bord, j'ai l'impression en ce moment. Ouais. On est encore assez friable faible, je trouve. Hein. On avait parlé de la défense contre l'Irlande cette fois-ci. On ne s'est pas vraiment rassuré contre une équipe d'Italie, mais une équipe d'Italie toujours joueuse et qui finit par marquer des essais à ses adversaires. Après, voilà, la France l'emporte. C'est déjà ça, parce qu'on se mettait presque à craindre une cuillère de bois. Ce ne sera pas le cas dans ce tournoi. L'essentiel est là. Après, pour être capable de réaliser quelque chose contre les Anglais, il faudra vraiment élever le niveau de jeu, je le disais à Flo ce week-end. Et puis, d'autant plus que l'Angleterre, ayant perdu contre l'Écosse, sera sans doute touchée dans son orgueil et aura envie vraiment de réaliser une performance contre nous. Mais ce sera un match tout à fait intéressant du coup à ce soir, je pense. Ouais, vas-y. Les Écossais ont montré la voie. Hein. C'est au niveau de l'envie, dans les rucks, dans les intentions de jeu que ça va se faire. Et bon, on peut tirer quand même, allez, soyons aussi positifs dans cette victoire. On peut en tirer quelques joueurs qui ont tiré leur épingle du jeu. C'est Rémi Grosso pour moi, Gabriel Argue aussi qui a été. Et Mathieu Bastaro surtout. Plutôt bon. Et surtout, ce que j'allais dire, Mathieu Bastaro qui nous rapporte un nombre incalculable de ballons dans les rocks. Les absents ont toujours tort. Ouais. Après, bon, Boxis, moi je suis toujours un peu sceptique sur son niveau de jeu, notamment ses schistéras un peu dangereuses vis-à-vis de l'adversaire, mais bon. Après, vraisemblablement, on n'a pas grand monde à proposer actuellement au poste de numéro 10. C'est ouf de voir quand même Strinduc et Boxis encore là. Quoi. Ben oui, mais peut-être parce que malheureusement, pour le moment, on n'a pas trop le choix. On a pas de 10 en France. Avec ce qu'on a, à l'inverse, on a des très bons numéros 9. On n'a pas de 10 en France. Après, Boxis, on n'a que des jeunes. On a beaucoup de 9, mais on n'a pas de 10. Allez, c'est non. Après, Boxis paraît légitime par rapport aux blessures de Jalibert et de Belot, et surtout de Camille Lopez. Camille Lopez, qui, pour rappel, est blessé, qui était le numéro 1 au poste. Boxis, c'est vrai, semble légitime titulaire par rapport à ses performances en club avec Lyon. Trinduc, lui, a du mal à revenir, n'a jamais vraiment brillé avec Toulon. mais moi, je reste persuadé que Trinduc dans l'animation en tout cas peut proposer j'en suis persuadé mieux que Boxis ça c'est certain. Après voilà, c'est vrai que cette équipe a à la fois un problème je pense pour le moment pour avoir des certitudes hein, la confiance la confiance est difficile à retrouver. Et après effectivement en plus fait avec les moyens du bord du fait à la fois des blessures et puis de l'état actuel de notre rugby français. À l'inverse effectivement retenons l'exemple des Britanniques, on a vu, je pense, samedi deux matchs incroyables. Hein, pour ceux qui ne les ont pas vus, nos auditeurs, je les encourage à regarder des extraits de ces matchs, à la fois des Irlandais qui sont pour le moment les seuls invaincus dans ce tournoi, et d'Écossais si fringants depuis quelques années et qui avaient été surprenants dans le mauvais sens du terme cette fois-ci lors du match d'entrée contre le Pays de Galles et qui là se sont plus que rassurés. Ils ont réussi l'exploit de remporter un match de gala contre l'Angleterre, et quel match qu'ils ont réalisé. Donc bravo à eux. Et j'espère d'ailleurs que l'Écosse sera en mesure de faire aussi une belle fin de tournoi. Ouais, et puis il y a des Écossais qui ont gommé leurs points faibles, parce qu'on parle toujours du déficit de puissance des Écossais. Et bien là, dans les rucks, dans les mêlées, ils ont gagné des mêlées. Dans les rucks, ils ont été intraitables et ils ont gagné un nombre de ballons incalculables là aussi. Voilà, nous aussi, on dit qu'on n'a pas de fond de jeu. Allez, osons, on n'a rien à perdre face aux Anglais. J'ai l'impression que toutes les équipes sont surmotivées quand elles jouent l'Angleterre. On l'a vu encore avec l'Écosse, il y a des joueurs, ils ont une troisième ligne de folie. Finn Russell, qui n'était pas bien depuis quelques semaines, fait une belle rencontre. Et les Français devront céder justement à cette performance écossaise pour s'inspirer, pour espérer quelque chose. Et moi, je ne doute pas sur... en tout cas pas forcément élever le niveau de jeu, mais en tout cas élever le niveau d'agressivité pour l'équipe de France, parce qu'on sait que les crunchs sont toujours des matchs particuliers, et ça m'étonne pas que les Français soient des morts de faim pour arborer ce match, et j'espère en tout cas que ça va le faire. Moi j'y crois, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que c'est possible de battre les Anglais, mais En tout cas on leur souhaite. On leur souhaite. Merci Baganelli. Pour terminer là-dessus, petite satisfaction personnelle d'avoir vu sur le terrain trois anciens du Pic Saint-Loup avec Kélian Galtier, pris en équipe de France, bien sûr, François Trinduc et Geoffrey Doumerou, qui sont des joueurs qu'on connaît bien et en qui on a confiance pour aussi réaliser quelque chose de beau contre les Anglais. Le crunch, c'est quelque chose d'inédit. On attend du gros. Très bien, on espère que peut-être l'agenda on pourra en parler très rapidement si on a le temps à la fin de l'émission. On va passer à notre première pause musicale, hein. C'est Duke Dumont et c'est le titre Ocean Drive. De retour sur Sport & Chill. c'était brutal, mais c'était le titre Duke Dumont avec le... Non, c'était Duke Dumont l'artiste, et c'est le titre Ocean Drive. On passe tout de suite au jingle Sport Montpellier. Sport & Chill, le sport montpellierain. Et la première info pour le sport montpellierain, c'est celle du Midi Libre que je viens de voir il y a 10 minutes, qui vient de tomber. La Fédération Française de Volleyball a annoncé ce lundi les villes hôtes pour l'Euro 2019 de volley, donc co-organisées, là c'est drôle, par la France, les Pays-Bas, la Belgique et la Slovénie. Alors, la Slovénie, c'est beau. Les Outre, pays donc, sont tous très bien desservis les uns des autres. Outre donc Nantes et Paris, donc Montpellier va accueillir l'événement à la Sud de France Arena. Ah, super. Donc voilà, Montpellier recevra des matchs de l'Euro 2019, capitale du sport, évidemment. Pour le MHSC, c'était un match nul. C'était une purge, comme au rugby. Un match nul qui porte bien son nom, du coup. Bonne ou mauvaise opération, vous de le juger d'ailleurs. Hein. Mais Montpellier qui prend le point du match nul à Strasbourg. Mauvaise car pas de victoire. Mais bonne puisque au classement, Montpellier prend la 5e place devant Nantes. Alors que ce dernier s'est incliné 1-0 à domicile d'ailleurs contre Amiens. Prochain match d'ailleurs à la réception de Lyon là, ce dimanche à 17h si je ne me trompe pas, à la Mosson. Tu voulais dire quelque chose? Disons que pour le match de Strasbourg, je dirais qu'il y a quand même un but refusé de Giovannicio. Oui, encore. Alors qu'il n'était pas au jeu. Au match aller, c'était la même chose. Hein. Encore un but refusé pour Montpellier contre Strasbourg d'ailleurs. Donc deux buts refusés. Du match. Hein. Ouais, non, c'était vraiment... Oh, c'était dur. Ouais, c'était dur. C'était dur de passer en dormir devant. Pourtant, Montpellier, dernièrement, pas du mauvais jeu, hein, tant que ça. C'est un a priori qu'on avait au début de saison, ce qui était vrai d'ailleurs. Au début de saison, c'était compliqué. Mais dans sa carrière, il a mis son jeu en place et c'est un jeu résolument plus offensif qu'on pouvait le voir au début de saison. Mais c'est vrai que là, ça l'a pas prouvé. Hein, notamment depuis début 2018, je trouvais qu'on avait réalisé des belles performances, qu'il y avait vraiment du fond de jeu. C'était juste, voilà, ça pouvait plus se résumer seulement à cette défense à 5 pour essayer de récupérer des points par-ci par-là en disant qu'on joue le maintien. On proposait autre chose qui pouvait effectivement permettre d'espérer mieux. Et on sortait ce schéma tactique notamment. Voilà, avec, ce schéma tactique qui pouvait des fois nous enfermer, là on était capable de proposer encore autre chose avec un petit peu d'efficacité aussi, ce qui faisait des fois nous attaquants jusqu'à présent. Et là contre Strasbourg, on est retombé dans nos travers. C'est un petit peu dommage, mais bon, on va dire que c'est un impair comme ça arrive parfois. Pour moi, il y a un joueur qui enjolivait en gros les performances de Montpellier, c'était Junior Sambia, qui était remplaçant, et qui, on l'a vu dès qu'il est rentré, ça a apporté un plus. Mais c'est vrai que ça m'a paru étrange de la part de Desarcarian de pas l'aligner. Il faisait partie des joueurs un peu dans le viseur avec Ikoné et Mbenza, Sambia. Et Ikoné a été catastrophique. Pour le manque d'investissement de ces trois joueurs. Puis à noter qu'on note pas depuis 8 matchs Roussillon qui est blessé, donc qui pour nous a porté bien au niveau offensif. Pour l'instant, on arrive à vivre sans. Mais bon, c'est sûr que quand on met Aguilar et Congrès au lieu de Roussillon, bon, Congrès et Roussillon, c'est pas la même chose quand même. Ouais, c'est dur. Au niveau des féminines, hein, match nul à Fleury pour le match en retard, donc un partout pour les filles. C'est une mauvaise opération puisque Montpellier doit engranger un maximum de points et qui abandonne un peu ses chances de rattraper le PSG à la deuxième place du classement, hein, qui, je vous le rappelle, les deux premières places sont qualificatives pour la Champions League. Les filles sont donc toujours troisième et elles affronteront le 11 mars Guingamp à l'extérieur. Au niveau du MHR, on en parlait très rapidement tout à l'heure. Victoire de justesse. Oui, oui on peut dire une extrémiste, hein, parce que c'est un peu miraculeux qu'on ait gagné ce match. Un match soporifique, il n'y a pas eu d'envolée. Bon, les joueurs n'avaient pas envie. Hein. Voilà, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'étais hyper optimiste la semaine dernière après le match contre Yona, après le match contre Clermont. Je me disais, bon, il semble qu'il y ait un plan de jeu qui soit mis en place, l'équipe qui est sereine, mais alors là, tout a été remis en question. Parce qu'il y a, on s'est pas rassuré, il y a eu aucune action. On s'est dit ah peut-être qu'on va un peu se relancer, pas du tout. On a pris des essais en première main qui aujourd'hui dans le rugby moderne ne se prennent presque plus, notamment sur le premier où Dumoulin et Serfontaine se font avoir trop facilement. Et au final, il y a un essai justement de Serfontaine sur une inspiration de François Stein qui a fait du bien au moment de sa rentrée. Une charnière qui n'avait pas été au niveau, Pinard Cruden pas au niveau du tout. Pinard, un match très moyen. Picamol absent totalement. Donc, victoire de justesse d'un petit point, mais qui n'empêche, font que Montpellier reste fait la bonne opération. Et final, fait la bonne opération après les défaites du Racing La Rochelle. Comme quoi, le top 14 est plein de paradoxes. Mais oui, avec Théo, on était à ce match. Et juste un mot là-dessus. Effectivement, je pense qu'on a tous les deux été très déçus par la performance montpelliéraine. Alors, ouais. Les gars, juste un mot, bougez-vous. On sait que vous êtes capables de proposer beaucoup mieux sur le terrain. Chez les féminines, pas de match au week-end. Prochain match le 4 mars à domicile contre Bobigny. Il reste d'ailleurs 3 matchs en saison régulière, tous à domicile. Donc ça devrait bien se passer pour les coccinelles. Au niveau du handball, il y avait 2 matchs cette semaine. Montpellier qui gagne 36-22 contre Ivry en championnat. C'était le retrouvaille hein, dans l'écrin historique de Bougnol à Montpellier. Et donc Montpellier a repris ses habitudes avec la victoire au bout du match. La bande à Mickaël Guigou est venue à bout de la faible équipe tout de même d'Ivry. Mais avec perte et fracas puisque là, il y a sorti de bonne fond. Mais bon, c'est un simple coup au visage donc ça devrait aller pour lui. Mais blessure à la cheville de Valentin Porte, là ce qui est beaucoup plus compliqué. Absent plusieurs semaines avec le MHB. Surtout que là on a des échéances importantes avec Paris et puis le match retour de la Ligue des Champions. D'ailleurs le match aller s'est bien soldé pour Montpellier qui a gagné 28-24 à León Ademar en Espagne, et Montpellier n'avait jamais gagné d'ailleurs là-bas à León samedi soir. Donc ils n'ont jamais été menés au tableau d'affichage, c'était toujours eux devant, c'est-à-dire une énorme prestation du MHB. Et donc la première manche se déroule plutôt bien pour eux, avec de nombreux blessés, comme je l'ai dit tout à l'heure, Grébi, Fabregas, Toumi et Valentin Porte du coup. Le MHB dispose donc de nombreuses ressources qui ont lui permis de venir à bout du deuxième du championnat espagnol tout de même. À noter l'énorme performance de Melvin Richardson avec 8 buts sur ce match. La Romévela. Exactement. Au niveau du basket féminin, la Coupe de France, c'était la demi-finale pour les Gazelles. Et malheureusement, c'est Charles Villemézières qui s'est qualifié pour la finale de Coupe de France en battant donc le BLMA de 9 points, 72-63 sur les parquets des Montpellierennes en plus. Les joueuses donc de Romuald Yernaud ont réussi à verser la tendance dans le dernier quart-temps. Les Flammes Carolo, c'est comme ça qu'on les surnomme, les Charles Villemézières, rejoignent donc Bourges en finale, une réédition de la finale 2017 remportée par Bourges. Le volley, c'était une défaite également, malheureusement, par le Mavuc en 3-7 assez sec face à Paris, malgré un premier set extrêmement accroché tout de même entre donc, Paris et Montpellier, 38-36, donc ça a été loin. Montpellier, malheureusement, avec cette défaite, tombe à la 7ème place, qui n'est plus qualificative pour les playoffs, place récupérée, donc la 6ème, par Ajaccio, un point devant. Il reste 3 matchs seulement en saison régulière, donc ça va être compliqué la fin de saison. Montpellier ira à Tourcoing, qui est 5ème, recevra Poitiers, 4ème, et ira à 7 dans le derby, malgré la 10ème place de 7. Petite consolation, puisque Ajaccio, qui est devant, devra aller à Poitiers également, aussi 4ème, et ira surtout à Tours, qui est 1er. Ça va le faire. On y croit pour eux. Prochain match, cependant, donc dès mardi pour le quart de finale retour en Coupe d'Europe face à Vérone. En futsal, match nul du Montpellier Futsal, un partout face au KB United, les premiers, les leaders. Donc c'est plutôt une bonne performance. Hein. Montpellier a pris le point du match nul, c'était l'Arena contre les premiers du championnat et les champions 2016. On pourrait parler d'une bonne performance, mais le problème c'est que devant ça, ça avance également, devant eux. Et Toulouse qui gagne notamment à l'extérieur, Montpellier donc 2 points derrière Bastia qui elle, devient le premier non relégable. Mais donc ces derniers possèdent 2 matchs de retard tout de même, donc ça va être compliqué. Malgré qu'il reste, je crois, 6 matchs, s'il me semble bien. Prochain match, pas avant le 10 mars, contre Bruguière, qui est 7ème du classement. En tout cas, c'est remarquable de voir comment ils s'accrochent. Ils s'accrochent bien. C'est vrai que si, avec leurs 12 points de retard, si ils étaient, on les mettait 12 points, ils étaient 5ème, je crois, du classement. Donc, c'est une belle saison tout de même. C'est bien dommageable, parce que, voilà, effectivement, cette équipe a du niveau et mérite bien mieux. Au waterpolo, toujours pas de match. Prochain match, le 7 mars, Montpellier-Marseille. Et dernier, donc, les Vipers en hockey sur glace et Montpellier se qualifie en quart de finale de play-off après leur victoire 6-0 contre Rouen 2 dans leur 2e match de play-off. En quart de finale, Montpellier rejouera en 3 matchs maximum du coup contre Villard-de-Lans qu'ils avaient battu à domicile à l'extérieur en saison régulière et qui avait terminé 7ème du classement cette année, donc alors que Montpellier avait fini 3ème. Donc a priori sur le papier ça devrait bien se passer pour Montpellier. Et pour être promu, il faut tout de même aller en finale, sachant sur leur route, ils ont tout de même Marseille qui ont été premiers de saison régulière, donc c'est compliqué d'aller le chercher, mais pourquoi pas. Voilà, je pense que les résultats Montpellier, c'est fait, on n'a pas perdu trop de temps pour les Jeux Olympiques, je pense que les deux au fond, là, ils vont être très contents. D'ailleurs, on va passer tout de suite à notre jingle Olympics. J'espère que vous avez apprécié le dernier jingle, puisque c'était le dernier de l'année, et le dernier de l'histoire de Sport & Chill, puisqu'il n'y aura plus de jingle Pyongyang. J'ai la petite larme, tu vois. Ouais, et là, donc, je vous laisse la parole pour ces derniers résumés des Jeux Olympiques. Écoute, c'est un travail collectif, alors on va essayer de mener ça à bien pour pouvoir échanger un petit peu toutes les thématiques qui ont pu tourner autour de ces JO et se poser les questions à la fois pour nos Français, puis pour l'organisation même elle-même dans un dernier temps de ces Jeux Olympiques. Alors forcément, on va pas revenir dans le détail des résultats, hein, même si le quiz à un moment peut-être le permettra, mais l'idée est vraiment de revenir sur les temps forts et puis notre avis par rapport aux performances de nos petits bleus. Alors peut-être revenir tout d'abord avec Théo sur le biathlon et les médailles françaises tout simplement de cette semaine. Elles ont pas été si nombreuses que prévu, mais quand même il y en a eu de belles. Mais il y en a eu des belles, ouais, et notamment je pense à peut-être la plus belle du biathlon de la quinzaine, c'est la médaille d'or du relais mixte. Ah oui. Donc avec Marie-Dorin Haber, Anaïs Bescon, Mathieu Fourcade et Simon Détieu. Martin Fourcade. J'ai dit Simon Fourcade. Non, Mathieu même. Oh pardon. Je ne sais pas pourquoi. Martin, pourquoi ? Je ne sais pas. Donc Martin Fourcade bien évidemment, qui a été l'un des hommes des JO même de façon internationale, je pense. J'y reviendrai. Ouais. Et non, vraiment une superbe course. Donc où on a été à la lutte pendant très très longtemps avec les Allemands. On a pensé que les Allemands gagneraient largement et ils s'effondrent finalement sur le dernier relayeur avec Arne Pfeiffer, qui avait pourtant remporté la médaille d'or de sprint, mais qui se fait complètement qui se trouve complètement à la fin. Ce qui a été un peu une spécificité d'ailleurs des Allemands, de se planter en relais ouais, souvent sur leur alors, dernier alors relayeur. Alors qu'ils étaient tous les deux grandissimes favoris et que sur ces jeux au niveau du biathlon, les Allemands ont tout simplement été impressionnants sur chaque relais. Et sur chaque relais, à chaque fois on les voit devant, ils sont, je sais pas moi, une minute devant. Ouais. On se dit bon, c'est bon, les Allemands ça va le faire, et puis au final c'est la craquante, et sur tir ça craque. On retient aussi ce sprint final avec l'Italien Lucas Hofer. Mais voilà, bon, pour parler des Français, le turning point c'est vraiment c'est Anaïs Bescon qui a 3 balles de pioche pour 3 cibles, elle les met dedans. C'est ça qui nous sauve notre relais. Si on avait eu un tour de pénalité, ça aurait été difficile. Le relais stratosphérique de Martin Fourcade également, donc vraiment une superbe médaille d'or menée de bout en bout avec du suspense. C'est pour ça qu'on aime le biathlon, c'est pour ça qu'on aime le relais mixte aussi, d'avoir à la fois les hommes et les femmes dans cette belle course. je pense qu'elle est vraiment symbolique, même, cette médaille, parce qu'en plus, je trouve que c'est intéressant d'avoir ces disciplines qui arrivent à croiser, j'ai envie de dire, le sport masculin et sport féminin, et puis ça montre aussi, voilà, que ce sport est un sport individuel, mais aussi qui demande de grosses valeurs collectives, et que certains sont capables de se transcender lors de ces relais, de ces grands événements, tout comme aussi Simon Détieux l'a fait lors de ce relais mixte. C'est la victoire des féminines, de l'équipe de France féminine, de l'équipe de France masculine, et de toutes les équipes techniques qu'il y a derrière, qui préparent les skis, le tir, etc. Et j'avais à noter aussi donc la deuxième place des Norvégiens. À noter aussi juste que Marie Dorin à la base ne devait pas faire les JO. Ouais. Et qui a fait un premier relais de dingue. Ouais. Et aussi avec le relais féminin. C'est la fin de sa carrière, voilà. Et elle nous fait des derniers JO absolument superbes, notamment de sa quatrième place au sprint, qui était inespéré, et là on l'a vu tellement heureuse sur le podium de remporter cette médaille d'or, et elle en a remporté une deuxième de médaille. C'est le relais en féminin de biathlon où elle remporte une belle médaille de bronze, où elles ont toujours été calées dans les six premières places, notamment avec les premiers relais d'Anaïs Chevalier et de Marie Dorin. On avait un peu peur d'Anaïs Chevalier et de Justine Brézin, qui a été très nerveuse donc sur le tir debout, mais qui a limité la casse et qui a sur été le ski. Ouais, juste stratosphérique sur les skis, puisqu'elle nous permet, elle a grignoté toutes ses concurrentes et on revient en deuxième position grâce à elle. Finalement, bon, Domracheva a été c'est l'impératrice du biathlon, hein. Et comme quoi, elle, ce n'est pas une surprise, mais le Bélarus a été une belle surprise de ce relais, en tenant la dragée haute tout le long de la course et en passant le relais en très bonne position à Daria Domracheva. Très beau relais féminin et très beau relais masculin, parce que je crois qu'il termine 4e ou 5e du relais masculin, donc vraiment superbe course de la part des Biélorusses. Et voilà, donc une belle médaille de bronze qui vient célébrer un peu. Ça a été difficile pour les filles au niveau du biathlon, notamment pour Justine Brézin, qui était un peu notre meilleure cartouche, si j'ose dire, pour récolter une médaille. Justement, le problème a été les cartouches. Oui, voilà. Et le problème, ça a été le tir pour Anaïs Chevalier, pour Justine Brézin. Elles n'ont jamais réussi à trop trouver la mire, sauf par chance à ce relais. Voilà, superbe course également d'Anaïs Bescon, qui remporte une médaille de bronze. Et qui remporte 3 médailles dans ces jeux, ce qu'aucune biathlète française n'avait encore réalisé. Voilà, donc vraiment. Sachant que pour le relais féminin, elle a dit qu'elle était au bout du rouleau, qu'elle n'en pouvait plus. Et elle s'est quand même arrachée pour aller chercher la médaille de bronze. Ouais. Donc respect à elle aussi. Donc voilà, de très belles courses en biathlon, on adore les relais. Voilà, mais maintenant j'ai laissé la parole à Romain, c'est compliqué, j'ai fait l'aller-retour à Toulouse, là j'ai plus de force. Je le sens fatigué, par les JO. Ah ouais. Romain Fourcade. Ouais. Romain, oui, mais bien sûr. Le meilleur de sport. Je suis même venu avec mes médailles. mais oui, pour revenir sur les 3 autres médailles françaises, alors bien sûr, notre idée sera surtout ensuite de débattre sur le bilan français, mais faisons honneur à nos médaillés de la semaine avec le ski de fond et une nouvelle médaille en relais. Donc c'était quand même la semaine des relais, comme souvent en seconde semaine, et qui montre l'homogénéité de l'équipe de France. Et la 3e place, médaille de bronze pour le duo Richard Jouve et Maurice Magnifica. Maurice Magnifica qui ne devait pas faire normalement le relais de sprint, ça devait être Lucas Chanava, qui a été très bon pendant toute la saison et qui a eu plus de mal lors de ces Jeux Olympiques. Ça a été un choix tactique de le présenter ainsi. On présente la deuxième équipe parce que normalement ça va être Baptiste Gros. Ouais. Et Chavana, et finalement c'est Magnifica et Richard Jouve, mais qui ont vraiment fait le travail, duo gagnant, et qui ont en plus ce qui montre vraiment les belles valeurs de cette équipe de France de ski de fond aussi, voulu rendre hommage et faire honneur à leurs copains qui devaient normalement être les meilleures cartes sur ce relais, et ils ont vraiment tenu tête aux deux meilleures nations également lors du précédent relais où la France avait fait 3e aussi, hein, ça a été le même podium, et ils échouent juste derrière la Norvège qui a été remarquable comme souvent en ski de fond, notamment avec un grand Johannes Kleibe, et puis très jeune, voilà, et vraiment vraiment remarquable, et puis devant la Russie qui a tenu son rang en ski de fond avec notamment le surprenant Spitsov qu'on a vu lors de ces JO. Et là aussi, ils auront été très bons, ces Français. Et voilà, moi, je suis vraiment content pour eux. Ça fait plaisir. Et c'est vraiment une discipline qu'on met pas souvent en avant et qui demande de grosses capacités physiques. Et puis, c'était intéressant à voir parce que le ski de fond, souvent, c'est difficile à voir télévisuellement parce que c'est une course vraiment d'endurance. Et le sprint amené à vraiment quelque chose d'assez rythmé. Et voilà, ça fait 2 médailles pour le ski de fond français. C'était jamais arrivé lors de Jeux Olympiques. Donc, bravo à cette équipe de France de ski de fond. Ensuite, nos deux autres médailles. Il y en a eu une belle, bien sûr, pour notre duo, notre couple de danse sur glace, pour Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, qui sont allés chercher la médaille d'argent, que Théo nous détaillera un peu plus tard. Derrière le duo canadien, Tessa Virtue et Scott Moyer, qui ont été aussi très très forts lors de ce programme libre, après un programme court qu'ils avaient dominé. Donc même si les Français ont été en mesure de remporter le programme libre et de rebattre le record du monde, une affaire de robe, voilà, aussi, mais ils ont rien finalement à se reprocher. Ils étaient eux-mêmes satisfaits globalement du résultat. Voilà, c'est sûr que ça se joue dans un mouchoir. D'avance, on savait que la médaille allait se jouer entre eux et les Canadiens. Ce sera l'argent, alors il y a une légère déception, mais à leur âge et pour leurs premiers Jeux Olympiques, c'est quand même remarquable. On n'avait plus fait de médaille en patinage depuis bien bien longtemps. Eux n'ont rien à se reprocher, mais l'équipe technique, je pense, a à se reprocher avec ce fameux problème de costume. Après, bon, c'est compliqué à dire. La fédération de patinage sur glace a beaucoup de choses à se reprocher, pas seulement en patinage artistique, mais aussi en tout ce qui est discipline de vitesse, short track, voire patinage de vitesse. Moins sur patinage de vitesse, parce qu'on n'a pas d'anneau de vitesse. Mais bien on sûr, en reparlera, je pense, sur les points négatifs. Moi, je pense que l'histoire du costume, c'est quand même plutôt un faux débat, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, ça aurait pu arriver malheureusement à tout moment, ça arrive au pire moment. Ils avaient déjà ce costume lors d'autres compétitions. Les costumes d'ailleurs dépendent pas vraiment de la fédération, hein. C'est un prestataire, en plus je sais très bien qui c'est, donc c'est pour ça que je peux le dire, qui s'est d'ailleurs bien excusé de ce malheureux accident. Et les Français eux-mêmes ont fait remarquer que, voilà, de leur point de vue en tout cas, elles n'étaient coupables de rien et que voilà, ils avaient fait de leur mieux pour que ça puisse tenir. Alors est-ce qu'ils ont fait le meilleur choix? Voilà, mais ils l'ont fait en connaissance de cause. Ça joue à si peu de choses que effectivement voilà, on voit qu'il y a une limite de points, ils perdent pour 0,70, donc c'est dur à avaler. Mais quelque part ils savent pas vraiment quelle perte de points ils ont pu subir de cet événement là et enfin, dernière médaille française, celle de Marie Martineau en ski halfpipe, qui allait chercher l'argent comme à Sochi. C'est assez impressionnant comme performance derrière l'intouchable Cassie Sharp, la canadienne, et devant une américaine, Britta Sigourney, et franchement aussi une skieuse dont il faut parler, parce que moi elle m'a marqué aussi par sa fraîcheur. Ça a l'air d'être vraiment quelqu'un de très très authentique, et puis une grande championne, parce qu'il faut oser faire les sauts qu'ils font en ski halfpipe. Ça fait partie de ces nouvelles disciplines assez impressionnantes, et après avoir fait un très beau premier run, elle a tout tenté lors du troisième. Malheureusement elle chute, mais de toute manière c'était difficile d'aller chercher Cassie Sharp, la canadienne. Mais en tout cas, c'est une belle médaille. Elle réalise ce qu'elle avait déjà fait à Sochi, mais elle s'était arrêtée un temps entre les deux Olympiades. Elle revient en 2017, elle fait une médaille d'or aux X Games, l'argent aux Mondiaux, elle va chercher une médaille d'argent olympique. Franchement, chapeau à elle. Non, superbe. Bravo elle. Donc voilà, ça c'était pour nos petites médailles françaises, et puis quelques cocoricos, hein. Il fallait pas hésiter, hein, à défaut de faire tous les résultats. Mais une question se pose à nous maintenant, est-ce que, et je vais la poser à Théo de son point de vue, déjà, est-ce que la France peut se dire avoir fait de beaux Jeux Olympiques et avoir un beau bilan avec ses 15 médailles qui correspondent au record quand de même Sochi? Je vous ai oublié de citer quelqu'un parmi nos médaillés au ski. Au ski, nous avons quand même un médaillé. C'était déjà de la semaine. C'était déjà la semaine précédente. Ouais. On a fait les médaillés de la semaine. Pour revenir, c'est maintenu à la semaine, mais on parlera du ski alpin. Ouais. Mais ouais, on va en parler. Dans les frustrations plutôt. On va en parler quasiment de suite. Sur le bilan de 15 médailles, ça veut dire qu'on a réalisé des JO corrects, mais qui ne sont pas à la hauteur de nos objectifs. On attendait 20 médailles. 20 médailles, c'était un objectif. Franchement, réalisable au vu c'est des places. C'est le CNSF qui a dit ça. C'était la Fédération Française de si c'était aurait, le CIO même. S'ils auraient dit par exemple 15 médailles, peut-être ça aurait été peut-être réussi pour nous. Parce que c'est vrai que là, on avait de suite l'ambition d'aller jusqu'à 20. On avait l'ambition d'aller jusqu'à 20 médailles parce que quand on regarde les championnats, quand on regarde les places en championnat du monde des différents Français dans les différentes épreuves, c'était largement atteignable d'obtenir ces 20 médailles. Il y a eu à la fois beaucoup de 4e, 5e place, puis il y a eu aussi des éliminations en qualification surprenantes. Encore une fois, on a été frileux en ski alpin. On lance l'objectif de 2 médailles, alors que honnêtement, on en fait 3 d'ailleurs. Rien qu'au niveau masculin, on peut en faire 5. Facile. On fait beaucoup de places d'honneur, malheureusement. On a Peintureau qui, une fois n'avait pas coutume, réalise. C'est... Après 5, tu te chauffes un peu. Mais non, mais on aurait pu viser plus haut que 2. On aurait pu, après ça, jouer à 6. Je compte aussi les femmes, où on avait été Sawerley, qui était l'une des immenses favorites en géant, qui se plante. Bon, ça arrive. Mais voilà. celui qui se plante pas, c'est Pinturo. Pour moi, c'est la bonne nouvelle côté français. Alors qu'il s'était souvent manqué. Ouais, il s'était souvent manqué lors des grands rendez-vous. Et là, il nous fait une médaille d'argent, une médaille de bronze. On rajoutera la médaille de bronze de Mufa Jandé. Donc ouais, un ski alpin, un bilan assez mitigé. Romain, je pense que tu reviendras dessus. Moi, sur le coup de gueule, ça va être sur le patinage. Les derniers Jeux Olympiques à Sochi, c'était déjà un problème. On avait fait un zéro pointé en short track. On refait un zéro pointé en short track avec bon, des coureurs qui font ce qu'ils peuvent, notamment Thibaut Fauconnet. Et Véronique Pierron aussi. C'est quand même décevant de ne présenter que deux coureurs en short track. Sur le l'anneau de vitesse, là, c'est pas une déception, mais c'est je suis déçu pour lui, quoi. C'est pour Alexis Contin. On sait que ça fait 6 mois qu'il s'entraîne très très dur. C'est un peu quasiment le seul représentant en patinage de vitesse. C'est pas, je pense que ça fait pas partie de notre culture. La short track, c'est plutôt une culture hollandaise. Pays-Bas, ouais, mais c'est facile de dire que c'est pas notre culture. On a l'infrastructure à fond romeux. On a l'infrastructure, mais franchement, les sports de glisse, faut vraiment dire, c'est pas dans nos. C'est pas facile, mais est-ce qu'on s'y donne vraiment les moyens? On n'a pas d'anneau de vitesse en France. Ça peut être un investissement à penser. Un autre sport de glace qui n'est pas représenté au jeu, le hockey sur glace. Le hockey sur glace qui est un sport collectif qui est énormément aimé à travers le monde. Alors, notre équipe de France, c'est une équipe de seconde zone. C'est une équipe qui est en deuxième division du hockey sur glace. C'est un groupe assez fermé, le hockey sur glace. Ouais, voilà, c'est un groupe qui est assez fermé, mais Il y a quand même eu des surprises. Hein. On peut parler aussi des disciplines récurrentes. Le curling, on n'a personne. Le bobsleigh, on présente deux équipes, mais avec très peu de chances de médaille parce qu'on n'a pas le matériel le plus performant. On leur donne pas forcément les moyens. C'est toujours du système D au niveau du bobsleigh, que ce soit bob à 2 ou bob à 4. Donc moi c'est sur les épreuves de glace où je mets un bémol. Oui, effectivement, bon, on peut mettre des bémols là-dessus. Alors juste pour synthétiser, parce qu'après il faudra quand même qu'on puisse parler du reste, les gars. Concernant ce bilan des Français, bon, deux choses. Effectivement, on peut être déçu parce qu'on espérait encore mieux et que lorsque on arrive même en fin de semaine, mais ça devait être jeudi ou vendredi, avec le relais féminin à 15 médailles, on pense que ça va le faire, qu'on va le battre. Alors qu'on va peut-être pas faire 20 médailles. Ouais. Personnellement, je l'ai senti quand même vite venir, que ça allait être quand même difficile d'aller chercher les 20 médailles. Les 20 médailles, il aurait fallu quand même avoir vraiment de la réussite. Mais effectivement, légitimement, on a des champions dans beaucoup de disciplines et qui auraient pu espérer quelque chose. On fait beaucoup de 4e place aussi. Le ski cross a été un échec. Le team event, on a été champion du monde en ski alpin, on espérait une médaille. En slalom, on fait 4e, pas loin. Alors bien sûr, on n'a jamais été sur le podium, mais voilà, il y a toujours une frustration d'être passé un peu à côté. Les disciplines, entre guillemets, acrobatiques, en garçon, en halfpipe, malheureusement, les deux Françaises slopestyle aussi, c'est difficile, c'est un peu dommage. Après, pour autant, c'est quand même 15 médailles en égal, ce qui était déjà le record de Sochi. C'est pas facile à réaliser. On améliore le total de médailles d'or, donc on peut être quand même assez satisfait de ce bilan. Maintenant, peut-être je vais laisser Théo nous parler de peut-être quelle serait ton ou ta sportive française, ou ça peut être même deux personnes de ces Jeux Olympiques d'hiver. Bah, j'aurais mis le duo Papadakis-Cizeron pour ce qu'ils ont montré. Ils font un record du monde sur le programme libre. Ils échouent à 0,79 points alors qu'ils ont eu quand même. On en a parlé longuement, donc je vais pas y revenir non plus, mais très longtemps. Mais voilà, ils échouent à 0,79 points alors que les Canadiens étaient au sommet de leur art. Qu'il y a eu des problèmes au niveau du costume, qu'il y a eu cette juge canadienne qui était présente et qui a pas forcément toujours mis des bonnes notes aux Français. Elle n'a mis aucun 10. Hein. Voilà, qui n'a mis aucun 10 alors qu'elle en a mis. Beaucoup au couple canadien. Voilà, ça fait beaucoup de circonstances. C'est un peu la limite de ce sport. Aggravant. Temps, bon, après. Les sports de jugement, c'est compliqué. Papadakis et Cizeron ne sont pas insurgés parce qu'il arrive qu'il y ait des Français qui les jugent. Bon, voilà. Oui, et d'autant plus que quand même les meilleures notes sont. Meilleures et moins bonnes notes sont supprimées. Sont supprimées. Mais bon, c'est quand même dommageable. Voilà, et moi je mettrai Pinturo parce qu'on lui a souvent reproché aussi de ne pas être présent dans les grands rendez-vous, soit en championnat du monde, en championnat du monde, pardon, et aux JO Olympiques. Et là, il démontre toute l'étendue de son talent par ses deux belles médailles. Oui, bah pour ma part, alors on a tellement parlé des semaines et des semaines que je laisserai plus de place pour discuter des sportifs internationaux, mais tout simplement Martin Fourcade, bien sûr, il faut quand même le souligner. C'était notre porte-drapeau. Comme Teddy Riner lors des Jeux Olympiques de Rio, il a assumé son statut. Il a pourtant pas eu des Jeux Olympiques totalement faciles. Hein. On sait qu'il a eu des grands moments de déception, mais il fait partie de ces grands champions capables de se remettre en question très vite, qui ont vraiment la culture de la gagne et un grand mental, et qui sont capables de se réveiller après un soir de défaite et d'aller chercher une médaille d'or olympique. Ces trois titres olympiques, c'est maintenant le plus grand sportif français sur les Jeux Olympiques, celui qui a détenu le plus grand nombre de titres olympiques, donc c'est remarquable pour sa part. Il permet aussi à la France d'aller chercher un relais. C'est quelqu'un aussi qui pense toujours équipe, mais qui pense équipe de France de biathlon, mais aussi équipe de France de sport d'hiver, parce qu'effectivement deux sports de neige et de glace aussi. Il avait d'ailleurs à cœur de ne pas être le porte-drapeau de la cérémonie de clôture, pardon, et que ce soit la glace qui soit représentée, justement pour que ces sports-là soient mieux promus au niveau national. Et ça a été le cas par Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Voilà, c'est quelqu'un qui ose dire ce qu'il pense. Parfois, il dérange, mais vraiment, chapeau l'artiste. Champion, exactement. Très grand champion. Ouais. Sachant qu'il échoue quand même de peu à avoir 5 médailles d'or. Hein. Il est devant et au final, les deux dernières balles, il les plante. Ouais. C'est la cruauté et la beauté de ce sport. C'est ça. Et c'est là qu'à chaque fois on voit qu'il a été champion, c'est qu'il a, à chaque fois qu'il a eu un échec ou une déception, il a su rebondir et chercher la médaille. Ouais, peut-être revenir sur les notre champion international, enfin nos préférences au niveau international. Pour moi, ça va être la surprise de ces jeux. Pour moi, clairement, c'est Ester Ledecká, la Tchèque. Notamment sur cette course de Super G, je dirais d'anthologie, où elle part avec le 2h26. La télévision américaine avait déjà zappé, quasiment tout le monde avait arrêté de regarder ce Super G. Et elle claque ce temps faramineux devant quand même des pointures de la discipline. Hein. C'est Anna Veit, l'Autrichienne, et Tina Weyreiter du Liechtenstein, qui étaient vraiment des cadors, encore une fois, dans cette discipline. Et surtout, elle le fait, alors c'est pas sa discipline favorite. Sa discipline favorite, c'est le slalom géant parallèle en snowboard. Et là, elle était numéro 1 mondial, etc. Et elle assume son statut une semaine après sa course. Elle le remporte. 2 médailles d'or au cours des Jeux Olympiques de la même Olympiade. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver. Non, oui, c'est vraiment remarquable. C'est une grande championne. Elle aura marqué ces Jeux Olympiques. J'ai suivi toute la nuit, vendredi à samedi, toutes les épreuves de snowboard, slalom géant parallèle d'Ester Ledecká. Elle était pour le coup attendue, regardée par tous, parce que maintenant elle était arrivée dans la lumière alors que sa discipline ne l'était pas non plus. Donc elle a permis aussi de donner un nouveau souffle sur le slalom parallèle en snowboard, qui est souvent moins regardé justement que le snowboard cross. Et souvent, on se demande souvent si on va pas le remplacer par une autre épreuve. Là, oui, ça leur a donné un bon coup de projecteur. Et elle était vraiment très concentrée sur son objectif, et elle a réagi encore en grande championne en étant capable d'aller chercher le titre olympique et non pas seulement une médaille. Donc bravo à elle. Et puis voilà, c'est peut-être les jeux des féminines, j'ai envie de dire, sur celles qui marquent l'histoire du sport et l'histoire des jeux d'hiver. Avec Marit Bjørgen aussi, je souhaitais en parler, qui se retrouve désormais à 15 médailles olympiques. C'est l'athlète la plus titrée des Jeux Olympiques d'hiver. 5 médailles lors de ces Jeux à nouveau, dont 2 titres olympiques. Elle allait chercher le titre olympique en relais et aussi lors de la dernière épreuve. Alors je trouve que c'est aussi comme un symbole qu'elle l'ait fait, parce que elle va chercher cela lors du 30 km, hein, qui est vraiment le marathon en ski de fond, et qui est la dernière épreuve dont on remet la médaille désormais lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Et c'était tout à fait merveilleux de voir ce moment. Elle est à 8 titres olympiques, elle égale Bjørn Dæhlie et Bjørn Dalen, 2 autres Norvégiens, et aussi voilà, elle représente de la plus belle des façons son pays, la Norvège, qui avec 39 médailles a battu le record absolu de médailles aux Jeux Olympiques. Et puis un petit mot peut-être du coup de ce que tu m'as marqué, cher ami. Non, c'est la Team Kim, l'équipe de Corée du Sud de curling, qui a été impressionnante et qui est allée chercher la médaille d'argent, alors qu'ils n'étaient pas du tout attendus. Donc respect aussi à elles pour le pays hôte, qui ont bien représenté leur pays. Et les Coréens qui ont assumé leur statut. On les appelle la Team Kim parce que elles s'appellent toutes Kim. Donc voilà, c'est ça qui est pour l'anecdote. Et ils finissent devant les Français. Alors ils ont le même nombre de médailles d'or, les Coréens du Sud, les Sud-Coréens, mais ils ont 17 médailles au compteur, du coup ils passent devant les Français. Des très beaux jeux pour les Coréens du Sud, notamment au niveau du short track, etc. Et ils ont été très très performants. Et on peut peut-être revenir sur un bilan plus général des jeux. C'était l'objectif. Ouais. Donc, Romain, toi qui. Moi, alors peut-être je vais donner mon avis, tu vas rebondir dessus, on change un peu les trucs hein, au dernier moment. C'est moi qui ai un peu imposé, on va dire ça à la fin, à Romain. C'est vu un peu sur l'ambiance du. Ouais, mais je pense que c'est important, surtout dans les grands événements. Ouais. Ouais, alors moi, pour moi, c'était des jeux qui ont été. Alors. Bien organisé, mais avec un problème quand même au niveau du public. On a senti que c'était pas un public qui était qui avait de l'expérience au niveau des sports de glisse. Toujours une très très belle ambiance dans la patinoire de vitesse. J'ai un gros écart entre justement leur passion pour les sports de glace. Exactement. Et celui, au niveau du short track, il y avait une ambiance de folie. La présence au niveau des pistes. Vraiment, c'était génial. Il y avait une très grosse ambiance. Et même là, pour le patinage contre, aussi. Au niveau du saut à ski notamment, je me rappelle de tribunes quasiment désertes. Au niveau du ski alpin, au niveau du biathlon, il y avait tout le temps aussi des tribunes vides. Qui, qu'on le veuille ou non, sont quand même les disciplines reines de, ouais, des JO d'hiver. Un peu reines de ces JO. Donc vraiment, la déception, elle est sur ça. Après aussi, il y avait cette question du vent. On a cru que ça allait nous pourrir tous ces Jeux Olympiques. Finalement, ça s'est calmé. Du froid aussi. Mais ça a posé longtemps question en disant pourquoi avoir fait cette descente de ski, cette piste de ski alpin en plein milieu des vents. Il y avait des éoliennes tout autour. On s'est dit, mais pourquoi la faire là? mais non, vraiment, bon, des Jeux... plutôt réussi, moi je trouve. Et diplomatiquement aussi, du coup. Ouais, diplomatiquement, avec. Ouais, voilà, c'est la beauté des jeux qui transcende la politique. La diplomatie avec, sportive, la diplomatie sportive, avec cette courrier unie. Bon, en hockey sur glace, elles ont fait ce qu'elles ont pu, mais c'est, pour le symbole, ça a été beau. Ça a ouvert des brèches politiques. Et puis surtout, ce défilé sous le drapeau de la courrier unie, cette poignée de main entre le Premier ministre coréen et la représentante de Kim Jong-un. Donc. Voilà, ça a été des jeux forts au niveau politique et au niveau sportif. Ouais, je pense qu'ils ont quand même réussi le défi, à la fois du coup les Coréens du Sud et les Coréens du Nord, d'une manière assez inattendue, à faire parler vraiment des Jeux Olympiques d'hiver qui sont souvent dans l'ombre des Jeux d'été. Alors on sait très bien qu'il faut relativiser la portée de ces histoires de diplomatie sportive et que souvent, malheureusement, au lendemain d'un grand événement, on oublie vite ce qui s'est passé pendant deux semaines de grande amitié entre des peuples et des Coréens qui eux se voudraient un jour vraiment effectivement unis. Pour autant, c'est vrai que ça a quand même été des Jeux Olympiques réussis. Et je mets le même bémol, je pense que Flo, lorsqu'on avait parlé, et même Paul et Dimitri auraient le même avis, c'est d'avoir été quand même par contre, malheureusement un peu surpris dans le mauvais sens du terme par rapport à cette présence de public un peu trop faible sur les grands événements. Alors qu'on aime bien avoir de l'engouement, notamment sur les épreuves de biathlon, de ski de fond, même éventuellement de saut à ski. Et puis voilà, c'est vrai qu'aussi quand on voit peu de monde au ski alpin et que des skieurs tels que Marcel Hirscher, dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi un grand homme de ces jeux, même s'il sort de sa manche de slalom, ont été habitués à aller à Garmisch, à aller à Kitzbühel, et là on n'est pas dans ces lieux-là, c'est sûr, et donc ça peut un peu être dommageable pour voir des Jeux Olympiques de folie aussi en termes d'ambiance. Pour ouvrir là-dessus, petit retour, ouais. Parce que Pyeongchang n'est pas forcément une terre sportive, comme tu dis par rapport à Kitzbühel ou quoi, ou à Garmisch, mais dans 4 ans c'est à Pékin, ouais. Est-ce qu'on peut espérer mieux? Moi j'en doute un petit peu, je sais que Théo voulait ouvrir là-dessus d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Je doute encore un peu plus personnellement des JO de Pékin que des JO de Pyeongchang. Moi là où je doute pas, c'est la capacité des Chinois à amener de la neige. Ça, j'ai pas de problème, je pense qu'il va y avoir une série de semi-remorques transportant la neige, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et je pense qu'ils peuvent aussi amener des cars pour remplir les tribunes. Ils payent des figurants pour venir. Voilà, ça c'est possible. Donc au niveau de l'organisation, on l'avait vu au niveau des JO 2008, ils vont être bons. Après, au niveau de l'engouement, au niveau du pays, ça pose plus de questions. Et au niveau des jeux qui devaient être plus économiques, là aussi, on se demande pourquoi avoir choisi Pékin au lieu, par exemple, d'Almaty au Kazakhstan, qui a plus une culture de sport de neige. Très bien, on va finir là-dessus et on va passer à notre. Je pense que c'est une petite tristesse pour vous de finir là-dessus, je suis désolé. On va passer à notre deuxième pause musicale parce qu'on va recevoir tout de suite des quidditchers, on dit ça. Des joueurs de quidditch. Des joueurs de quidditch. Au sens du quidditchman, peut-être. On leur demandera. Tout de suite, donc deuxième pause musicale, c'est Chainsmokers et c'est le titre Roses. Thank you. take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands were on. I turned him to gold and it took him higher. But I'll be a daydream, I'll be your favorite things. We could be beautiful, get drunk on the good life. I'll take you to paradise. Say you'll never let me go. Deep in my bones I can feel you. Take me back to a time only we knew how to wait. Smoke a little weed on the couch in the back room, hide away. De retour sur Sport and Chill, c'était The Chainsmokers et c'était le titre Roses, je le prononce bien. Yeah. On passe tout de suite au jingle interview. Sport and Chill, l'interview. L'interview Chill. Et on reçoit aujourd'hui donc l'équipe de Quidditch, donc de Montpellier, qui s'appelle donc les Black Wands, baguette noire. Thank you Nelson. de rien. Et on reçoit donc Benjamin et Etienne. Donc bonjour. Donc bonjour à vous. Peut-être vous présenter un petit peu ce que vous faites, notamment le Quidditch, mais dans la vie en particulier. Vas-y. Ouais. Bah donc moi je suis donc le capitaine de l'équipe des Black Wands. Je suis dans la vie, je suis ingénieur informatique. Et voilà, je suis arrivé à Montpellier il y a 2 ans à peu près. Ça fait combien de temps que tu fais du Quidditch? Un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire? En fait, je me promenais. Donc, le Quidditch à Montpellier, ça se déroule au parc Charpak toutes les semaines. Et c'était quand je venais d'arriver, je me promenais un peu, pour découvrir un peu. Et je les ai vus. Et je l'avoue, je me suis un peu moqué d'eux parce que le Quidditch, donc, ça se joue avec un balai entre les jambes. Et au début, je me suis bien marré. Et j'étais avec une copine et elle me disait « Ah, il faudrait qu'on essaye ». Et je dis « Ok ». Et moi, j'y suis allé. et j'ai aimé, du coup bah voilà, je suis capitaine. Et du coup, et donc moi je m'appelle Étienne, je suis capitaine de l'équipe, coach de l'équipe pardon, et je suis aussi ingénieur en informatique à Montpellier, et je suis arrivé il y a un an à Montpellier, donc moi ça fait dans quelques jours ça fera un an que je fais du Quidditch. Et du coup, donc est-ce que vous pouvez nous rappeler les quelques règles du Quidditch? Est-ce que c'est la même que dans les films, parce que bon, ceux qui ne connaissent pas, ça vient des films Harry Potter, donc le sport du Quidditch. Est-ce que c'est exactement les mêmes ou est-ce qu'il y a quelques trucs de différents? C'est globalement les mêmes, mais c'est un petit peu adapté quand même. Donc il y a toujours une équipe de 7 joueurs avec 3 poursuiveurs, un gardien, 2 batteurs et un attrapeur. On vole pas, important de dire. Ah mince. Donc c'est un peu différent. Voilà, et les grosses différences, c'est qu'il y a 3 cognards au lieu de 2 et que le vif d'or ne rapporte que 30 points, tout en mettant toujours fin au match. Donc en fait, il y a 3 types de balles différentes, un swaffle, donc le ballon avec lequel on va marquer les buts, des cognards, ça c'est comme dans le film, c'est des balles qu'on va se tirer les uns sur les autres pour s'éliminer en gros. Voilà. Et le vif d'or, la balle qu'on doit attraper à la fin pour terminer le match. Le vif d'or, il est représenté par quelqu'un ou... Ouais. C'est un joueur. C'est quelqu'un qui court à un moment donné du jeu ou tout le temps? Non, à un moment donné du jeu, il rentre qu'à la 17e minute. Ouais. Et c'est quelqu'un qui court avec une chaussette dans laquelle il y a une balle de tennis accrochée au niveau du short. Et ça dure combien de temps un match de Quidditch à peu près? Alors du coup, le vif d'or... Ça dépend du vif d'or, ouais. Voilà, c'est le vif d'or qui donne fin au match. Et donc le vif d'or lui rentre à la 17e, mais les attrapeurs ne rentrent qu'à la 18e. Ce qui veut dire qu'avant la 18e, il ne peut pas y avoir la fin du match en fait. Et après, dès qu'il se fait attraper, c'est fini. D'accord. À noter aussi, le Quidditch est un des seuls sports qui est mixte. Oui. Alors, expliquez-nous un peu combien il doit y avoir de... Alors, comment ça se passe la répartition? Voilà, il y a une règle très importante au Quidditch, c'est qu'à tout moment sur le terrain, pour chaque équipe, il ne peut pas y avoir plus de 4 personnes du même sexe sur le terrain. Donc, au début, les attrapeurs ne sont pas sur le terrain, donc c'est 2 équipes de 6 qui s'affrontent. Donc là, il faut répartir en 4 et 2 ou 3 et 3. Et après, quand on est 7, c'est 3 et 4, forcément. C'est le seul sport, peut-être, qui fait ça, hein, Le seul sport de contact, ouais, c'est sûr. Ouais. Au niveau, donc, pourquoi faire un sport comme le Quidditch? Est-ce que c'est justement la beauté de ce sport qui vous a convaincu? Ou c'est surtout par rapport... Bon, on m'a dit que non, mais c'est surtout par rapport à Harry Potter ou pas du tout? Moi, à la base, j'aime bien Harry Potter, j'ai lu les bouquins et tout, mais ce qui m'a vraiment plu, c'est la découverte. D'un nouveau sport en fait, parce que c'est vraiment un sport qui est né il y a une dizaine d'années aux États-Unis et il y a vraiment pas grand chose qui est fait pour l'instant. Il y a des compétitions internationales, etc., mais il y a encore tout à faire en fait. Il y a les stratégies à établir, il y a tout à explorer. C'est un peu comme si on venait de découvrir quelque chose de nouveau, quoi. C'est ça que j'aime. Moi c'est pareil, j'aime beaucoup Harry Potter, mais c'est pas pour le côté Harry Potter que je suis venu au Quidditch. Déjà le fait qu'il y ait peu de joueurs en France, dans le monde, fait que si on est un peu sportif, on est très vite fort dans le sport. Et moi, j'ai toujours rêvé d'être sportif professionnel. Donc là, je dis pas que je suis sportif professionnel au Quidditch, mais disons que les rêves peuvent devenir réalité. Et en plus, le côté stratégique, j'adore ça, donc c'est vraiment super. Ouais. Oui, parce que c'est ça aussi qu'il faut préciser, c'est que le Quidditch, c'est vraiment un sport. Et tu demandais pourquoi il parle de contact, mais le Quidditch, ça se rapproche. Vous allez nous dire, mais ça se rapproche de quel sport? Ça se rapproche notamment du rugby, du handball, on va dire de la balle aux prisonniers, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça, ouais. Il y a le côté handball, dans le sens où c'est des attaques défense non-stop, il faut tirer dans des anneaux, donc ça ressemble un peu comme tirer au but au handball, et ça joue à la main. Et il y a le côté rugby, parce qu'il y a des contacts, il y a des plaquages à une main qui emmènent au sol souvent. Et c'est vraiment, c'est pas comme au basket où on n'a pas le droit de se toucher, là, il y a vraiment du contact. Et voilà. Je voulais vous poser une question par rapport au balai, comment il est fait le balai justement? Parce que c'est le fameux objet en question. En fait le balai c'est un tube de 120 cm quoi. Non c'est 90 cm. 90 cm. Et tant que c'est de cette taille là c'est bon, donc c'est un peu adapté quand même, c'est pas un vrai balai. Mais il y a une vraie recherche, j'ai discuté quand j'avais réalisé l'article sur eux, c'est qu'il y a une vraie recherche sur le balai, c'est de chercher le matériel qui serait le plus adapté, qui va pas casser sous l'impact, qui va être assez souple, assez léger, assez maniable pour permettre des attaques rapides. Ouais. Il y a même des personnes qui se fabriquent leur propre balai avec un grip pour l'attraper et sortent de customise avec des autocollants. Au niveau des compétitions, on va en parler un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il y a comme compétition nationale, voire même internationale, si ça existe ou pas? Alors, au niveau national, il y a la Coupe de France qui a déjà eu 4 éditions. Ça sera la 5e en 2018. Et donc, c'était la compétition principale. Ouais. Et cette année, il y a les ligues qui viennent d'apparaître. Donc, il y a 5 ligues en France, si je ne me trompe pas. La Ligue du Sud, la Ligue de l'Ouest, la Ligue de l'Est et la Ligue du Nord. Je ne sais pas comment elle s'appelle, la dernière. Ça fait 4, ça. Bon, je ne sais plus s'il y en a 5 ou 4. Ligue du Centre, peut-être. Ouais. Et ça, c'est bien parce que ça permet de jouer plus régulièrement. La Coupe de France se déroule sur un seul week-end par an, donc ouais. C'est vraiment peu. Et les ligues là apportent des matchs réguliers à chaque équipe, et c'est bien. C'était la seule compétition, donc la Coupe de France officielle, d'accord. Oui. Officielle, ouais. Au niveau international, il y a une Coupe du Monde, je crois, je sais pas quand, elle se déroule peut-être tous les ans. C'est tous les 2 ans la Coupe du Monde. Il y a effectivement une Coupe du Monde, il y a aussi une Coupe d'Europe. Et tous les 2 ans aussi, donc ça alterne Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, etc. Et au niveau des clubs, donc ça c'est national, enfin international, donc avec les nations. Et au niveau des clubs, il y a aussi ce qui peut correspondre à la Ligue des Champions au foot, c'est une Coupe d'Europe des clubs, quoi. Vas-y, je t'en prie. Et justement, l'équipe des Black Points, c'est une équipe qui est assez nouvelle. Elle a participé pour la première fois à la Coupe de France cette année. Ouais. C'était à Limoges. Ouais. Et du coup... qu'elles ont été, je crois que vous réalisez une 13e place et surtout vous obtenez le titre de meilleur espoir de la Coupe de France. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé là-bas? Première fois qu'on va en Coupe de France, donc tout le monde était un peu stressé. Et on rencontre Dijon en premier match, qui se passe pas très bien, ce qui fait qu'on se classe pas bien pour la suite du week-end. Ça, la Coupe de France passe sur 2 jours, sur un week-end. Et du coup, on fait de meilleures performances, donc on y arrive beaucoup mieux, et on se classe meilleure nouvelle équipe, en fait. Donc on est 13e sur 17, mais on est la meilleure équipe qui vient de participer pour la première fois à la Coupe. Et on s'est bien amusé. Ouais. Voilà, il faut savoir que le système de la Coupe de France cette année était assez particulier, et il avantageait pas forcément une équipe par rapport aux autres, mais par contre, pour toutes les équipes, des défaites au début ou des victoires au début faisaient une grande différence au classement. Et nous, on perd notre premier match et ça nous a fait perdre 5 places facilement au classement, ouais. En fait, juste sur ça. Moi, je voulais réagir un petit peu sur le... justement, par les niveaux international. Mais au niveau déjà national, comment se porte le Quidditch en France? Est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus joué? Est-ce que ce sport plaît? Et après, on verra peut-être au niveau international. Ouais, ça grandit pas mal. Enfin, ça grandit petit à petit. Ça attire à la fois, donc on disait, les gens qui aiment bien Harry Potter. Il y a des gens qui sont pas du tout sportifs, mais du fait que ce soit Harry Potter, ils essayent et ils continuent. Même dans l'équipe, il y en a plusieurs qui sont dans ce cas-là. Et il y a aussi les gens sportifs qui aiment ça et qui le voient vraiment comme un sport à part entière. Donc en France, il y a 17 équipes là qui ont participé à la Coupe de France. Et au niveau des équipes, c'est plutôt Paris qui domine. On a vu le classement, c'est vrai que les deux premiers c'est Paris, ils ont encore une équipe 5. Après c'est Lille, Lyon, donc voilà. Et sinon, Angers un petit peu. Et puis, Théo m'avait dit que justement l'équipe première de Paris, c'était surtout l'équipe de l'équipe de France, parce qu'il y a aussi une équipe de France. C'est ça. En fait, la première équipe qui a gagné la Coupe de France cette année et puis les années précédentes, c'est les Titans. Enfin, ça s'appelle l'équipe des Titans. Et l'équipe des Titans fait l'équipe de France pratiquement. Revenons au nom. Pourquoi Black Wands, c'est bien ça? Black Wands, ouais. Black Wands, pourquoi ce nom? Alors ça, moi je sais pas, j'étais pas là à la création de l'équipe. Et je sais pas si moi non plus, non. Je crois que... parce que la couleur de l'équipe c'est bleu et noir. Donc je sais pas si c'est un rapport avec Montpellier peut-être. Je sais pas. Et du coup, mon avis, ça doit être pour ça. Et puis, les Wands, parce que c'est des baguettes. Les baguettes, On va peut-être revenir au niveau international. Parce que je sais pas si vous savez, mais s'il y a des pays où ça joue beaucoup plus au Quidditch, peut-être l'Angleterre, je pense, au niveau peut-être Harry Potter, ou peut-être d'autres pays qui sont un peu plus surprenants. Alors, l'Angleterre, oui, ils sont très forts. Mais bon, la France rivalise bien avec eux. Par contre, les États-Unis et l'Australie sont des équipes qui sont encore meilleures. Les États-Unis sont même au point où le Quidditch en est un sport universitaire dans certaines universités. Ah ouais. que nous, il n'est pas encore reconnu, je crois, le Quidditch au niveau du sport en France. Malheureusement, c'est apparemment en grande partie à cause de la mixité. Ah oui. Que la fédération ne veut pas nous accepter en tant que sport. Au contraire, ça peut être un beau message de mixité. Mais ouais. Et pourtant, c'est un sport qui mêle à la fois du contact, mais aussi de la stratégie. Et notamment, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos entraînements? Je vous ai vu, vous entraînez pendant plus d'une heure avec différents ateliers. Comment ça se passe, un entraînement type au Quidditch? Alors, en ce moment-là, du coup, on prépare pas mal nos matchs de ligue. Donc, on fait un échauffement. Ensuite, selon si l'entraînement est plus axé jeu ou plus physique, on fait du physique si c'est physique. Et sinon, on commence le jeu. Et au niveau du jeu, on sépare l'entraînement en plusieurs parties pour les postes. On fait un entraînement pour les poursuiveurs, un entraînement pour les batteurs. Comme on n'est pas assez nombreux, je le fais en plusieurs étapes parce que normalement, on pourrait le faire en même temps. Donc, au début, on commence par faire des appels de balles. En se plaçant à des endroits stratégiques en attaque pour apprendre le placement à nos joueurs en attaque et en défense. Une fois qu'on a fait ça, on fait un entraînement batteur qui représente une petite situation pareille, attaque ou défense, et où le batteur est centralisé pour qu'il apprenne à bien gérer la situation. Et ensuite on fait une attaque-défense en mélangeant les deux si le nombre de joueurs présents le permet. Et vous vous inspirez d'autres sports au niveau stratégique, il me semble. Alors, ouais, il y a un de nos joueurs qui fait du football américain qui s'en inspire pas mal. Moi, je m'inspire personnellement plus de la stratégie de l'équipe de France, parce que j'ai eu l'occasion de faire des entraînements avec l'équipe de France de Quidditch. Donc, voilà. Ça se passe à Paris, je suppose, les entraînements. Ouais, ça se passe à Paris, ouais. Donc, toi, t'es capitaine ? Ouais. Et en gros, quel est ton rôle au sein de l'équipe ? Alors, le rôle du capitaine, c'est donc plus. C'est comme un capitaine dans les sports courts, en fait. C'est au sein des matchs, c'est moi qui vais faire le lien entre l'arbitre, enfin les arbitres, parce qu'il y a plusieurs arbitres au Quidditch, et l'équipe. Et est-ce que dans la stratégie, tu mets par exemple ceux qui sont plus costauds, tu les mets derrière ou devant ? Est-ce qu'il y a ceux qui sont plus petits doivent. Par rapport à la morphologie, par rapport à ce qu'il y a, le physique est important ou pas dans ce jeu ? Ouais, le physique est quand même un peu important, c'est-à-dire que je pense que on va plus privilégier les grands. Qui vont être les buteurs en fait, qui vont être près des anneaux parce que les passes vont être plus facilement reçues et ça va être plus facile de marquer. Pareil, les batteurs, eux, ils n'ont pas forcément besoin d'être grands parce que eux, ils vont avoir un ballon avec lequel ils vont tirer sur les autres. Donc là, ils n'ont pas forcément besoin d'être grands. Donc ça va être plus tout type de gabarit. Mais par contre, il y a vraiment une place pour tout le monde en fait. C'est pas parce que tu vas être trop petit ou trop grand ou trop gros ou je sais pas que tu vas pas pouvoir jouer au Quidditch. Et donc les postes, tu as batteur, tu as quoi d'autre ? Donc il y a batteur, c'est ceux qui ont des cognards, donc des ballons qui permettent d'éliminer les autres. C'est ça, d'accord. Donc quand on est éliminé en fait, on arrête ce qu'on fait et on retourne dans son camp. Ça nous fait perdre quelques dizaines de secondes. Donc ça, c'est les batteurs. Il y a les poursuiveurs, ceux qui marquent des buts, donc ils ont une balle qui s'appelle le swaffle, ils vont faire des passes et ils vont marquer. C'est à peu près tout ce qu'ils vont faire. Ils ont le droit de défendre sur les autres poursuiveurs, donc en faisant des plaquages, d'accord, principalement. Et le troisième type de jeu, enfin il y a un gardien qui fait aussi partie des poursuiveurs, et il est un peu particulier. Et le dernier type, c'est l'attrapeur. Donc là, c'est vraiment particulier à Harry Potter, c'est en fait... On a dit à la 18e minute, il y a un vif d'or qui rentre en jeu. Donc un arbitre qui a une balle de tennis accrochée dans son short. Et il y a un attrapeur de chaque équipe. Ils vont essayer d'attraper cette balle, quoi. Et là, ça va être plus... si on peut comparer un sport, ça va être presque un sport de combat, en fait. Parce qu'il faut vraiment aller derrière le vif d'or. Et lui, il a le droit de se défendre un peu comme il veut. Donc ça ressemble un peu à de la lutte, un petit peu du judo... Enfin voilà, c'est vraiment. Et il faut constamment avoir le bâton entre les jambes. Oui, le balai. Donc si vous le perdez, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme si on avait été touché par un cognard en fait. Donc si on descend de notre balai, eh ben, on doit retourner dans notre camp, toucher nos anneaux, et là on peut repartir. D'accord. On n'a pas le droit de mettre des coups de balai. Non, on n'a pas le droit de mettre des coups de balai. Et je rajouterais juste qu'en défense, il y a une pointe qui défend sur le meneur de jeu adverse. Et en général, c'est quelqu'un qui a un peu de physique parce que. Il faut plaquer très souvent. S'il n'y a pas le plaquage sur la pointe et des batteurs qui sont réactifs, la pointe, elle court, elle marque et c'est inarrêtable. Donc, il faut forcer cette personne à faire une passe pour pouvoir faire quelque chose en défense. Vous pouvez nous expliquer un peu, vous avez beaucoup parlé du plaquage. Donc, En fait, je pense qu'il y a, ouais, y a des fautes. Alors, donc, vous pouvez nous... Ouais, ouais. Le plaquage, c'est donc un plaquage à une main, parce que l'autre main est censée tenir le balai. Donc, toujours à une main. Et de face. C'est-à-dire qu'il faut que le... Il faut, on peut pas arriver par derrière quelqu'un et le plaquer. Ouais. On est obligé de revenir devant. C'est aussi entre les genoux et les épaules. On ouais, peut pas voilà, être au-dessus des épaules ni en dessous des genoux. Donc globalement, ça doit être aussi un sport assez compliqué à arbitrer, je pense, parce que vu les différentes phases de jeu, surtout que de ce que vous en dites, en plus, l'arbitre lui-même, en tout cas un des arbitres, sachant qu'il y en a plusieurs, joue le rôle du vif d'or, ouais, en fin de partie. Mmh. Donc c'est vrai que ça doit être un rôle vraiment particulier, stratégique, et finalement l'arbitre là, pour le coup, est clairement un acteur de jeu, enfin comme on tend le vouloir dans tous les sports, mais au Quidditch c'est d'autant plus vrai, quoi. Ouais. Il a un rôle particulier. Ouais, et au Quidditch, il y a beaucoup d'arbitres. Il y a un arbitre principal qui, en général, s'occupe des fautes principales du jeu, donc des mauvais plaquages et autres fautes. Il y en a plein, donc je ne vais pas toutes les citer. Et puis, il est assisté par trois arbitres qui, eux, donc l'aident à voir ça, mais regardent surtout les joueurs qui se font toucher par les cognards, parce que sinon, c'est impossible pour lui de tout voir. Et en plus de ça, il y a aussi deux arbitres, un de chaque côté des anneaux, donc pour vérifier si le but passe ou pas, parce qu'il n'y a pas de filet dans les anneaux. Voilà. Ouais, ouais, de même au rugby, les arbitres lors des pénalités, ce genre de choses. C'est ça. On va terminer avec deux questions, donc notamment l'objectif du Quidditch à l'avenir, mais surtout l'objectif de votre club à l'avenir. Comment va grandir les Black Wands pour vous? Je pense déjà que l'objectif principal, c'est de recruter du monde, parce qu'on est toujours un peu en manque de personnes qui veulent jouer. Donc, notamment des filles. Ouais, notamment des filles, parce que si on n'a pas assez de filles, on peut on pas. On a trois filles dans l'équipe, donc c'est. Voilà. Elles faut qu'elles soient tout le temps là. Ouais. Elles peuvent pas ouais, se faire remplacer pendant les matchs. C'est ouais, ça. Et ouais, je pense que c'est l'objectif principal, on peut dire. Donc pour pouvoir avoir de meilleurs résultats après en Coupe de France et progresser et faire progresser le Quidditch en général. Après, au niveau des ligues, là, on a actuellement gagné tous nos matchs qu'on a joués. Donc l'objectif de cette année, c'est de finir premier de la Ligue du Sud. Ouais. Et vous êtes combien donc dans la ligue? Pour le moment, on est premier. On est quoi? On n'a pas joué tous nos matchs. Combien d'équipes? Ah, on est 5 équipes. Oui, c'est ça, 5 équipes. Nickel. Il y a 4 matchs à l'équipe. Peut-être à titre personnel, je crois que vous avez été tous les deux sélectionnés pour les entraînements en équipe de France. Alors en fait, l'équipe de France, c'est tout le monde peut y aller en fait. Ouais. C'est ouvert à tous, donc il faut y aller sur Paris. Donc c'est un peu compliqué quand même, mais. Mais surtout que ça vaut frais. On participe aux entraînements et je sais pas, quelques mois avant la Coupe de France, de la Coupe du Monde, pardon. Il y a une sélection qui est faite, quoi. Donc, normalement, d'ici mai, on saura. Voilà. Donc, ouais, moi, j'aimerais bien être sélectionné, mais après, ça, c'est moi qui le dis. Dernière petite question, la question classique, hein, à chaque fois qu'on reçoit des gens. Que pourriez-vous dire donc, à des personnes, justement, qui hésitent à passer, à tenter le Quidditch qu'est-ce que vous pourriez dire à ce genre de personnes? Même les motiver, tout court. Ouais, ou le... C'est génial, il faut venir, il y a une super ambiance entre toutes les équipes de France. À chaque fois qu'on se déplace, on est hébergé, nourri par les joueurs adverses contre qui on va se battre le lendemain. Ouais, la convivialité. Hein. C'est... Ouais. Et puis c'est malgré le fait que de l'extérieur ça puisse paraître ridicule, la dimension stratégique est bien plus grande que dans beaucoup d'autres sports. C'est beaucoup plus compliqué du fait qu'on doit tenir le balai. C'est rattraper une balle est beaucoup plus compliqué, donc ça amène du challenge en fait. À partir de quel âge on peut être initié au Quidditch justement? En France ou à Montpellier? On va dire en France ou à Montpellier. Alors, à Montpellier, le club est ouvert à partir de 15-16 ans, mais on peut pas participer aux compétitions avant 17 ans. Après, il n'y a que Nantes en France qui a une équipe d'enfants. Donc là, ça doit être à partir de 5 ou 7 ans, je ne sais pas exactement, mais voilà. Très bien. Donc l'appel est passé pour tous ceux qui hésitent à passer au Quidditch, comme quoi, même si on voit avec les balais entre les jambes, c'est surtout un sport plutôt physique et même stratégique surtout. Donc ceux qui hésitent, tentez de tester ce sport. Et puis notamment les filles qu'elles tentent, puisque c'est bien d'avoir un sport mixte pour une fois. Donc ça serait bien que Montpellier, comme d'autres clubs hein, d'ailleurs, se pérennise. D'ailleurs, on peut vous retrouver d'ailleurs sur la page Facebook Les Black Wands. Et pour information, pour nos éditeurs, c'est quand est-ce qu'est le prochain entraînement? C'est dimanche prochain. Donc d'habitude c'est le samedi, mais là on a quelque chose de prévu le samedi, donc c'est dimanche prochain. Mais sinon c'est tous les samedis de 14 à 16h. Voilà. Et vous pouvez nous rappeler dernièrement là où vous faites vos matchs? Au Parc Charpac, au Port Marianne. D'accord, ok, très bien. Et samedi prochain on sera aux Olympiades étudiantes. S'il y en a qui veulent venir tester, ouais, c'est le moment. Ok, nickel. Comme ça, j'ai passé. L'appel est passé. On vous remercie donc, voilà. Et puis, on se voit, on espère en mai, quand vous aurez vos sélections en équipe de France. Merci. On vous remercie. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Ouais. Au revoir. Nous, on va passer donc à notre quiz tout de suite avec Jingle Quiz. Sport and Chill, le quiz. Donc le quiz, c'est un quiz spécial, hein, puisque c'est un quiz Jeux Olympiques aujourd'hui, avec... C'est Romain qui l'a fait, hein. C'est spécial aussi, parce quiz. Que ça n'arrive pas souvent, ça. Ouais, ça fait bien longtemps que j'avais pas fait un quiz. Ah bah voilà, tiens. Comme quoi, il y a un changement. Sur ses heures de travail. Sur mes heures de travail, il y a un début, un tout. Je t'ai piqué ton casque, je m'excuse. Vas-y, je t'en prie, Romain, je te laisse commencer. Je l'ai perturbé, pardon. Ouais, non, mais c'est pas grave. Il m'a perturbé avec un changement de casque, mais je suis de retour. On air. Donc, jouer des mauvais tours. On est parti, exactement. on est parti donc pour ce quiz, alors j'espère que vous allez être prêts. L'homme à battre, c'est bien Théo, on est d'accord. Théo est sans doute l'homme à battre sur les Jeux Olympiques, mais quelque chose me dit que les autres sont capables de bien, de bien répondre aussi à certaines questions. Tu es bien optimiste. Rien n'est joué. Alors, Paul essaye de tricher. Ça part mal, il va se prendre à moins. Donc, première question, déjà pour présenter la chose, il y aura une dizaine de questions, alors ne vous ratez pas. Première question, assez simple, normalement. Rapidité. Les Jeux Olympiques d'hiver ont eu lieu par 3 fois en France. Donnez-moi les dates et les villes organisatrices de ces Jeux Olympiques. Wow. Tour de table ou rapidité? Ça dépend si... Allez, on va tenter un tour de table, parce que je sens que ça peut être plus compliqué, et on mettra un point par ville et date juste donnée, combinaison des deux. Paul à ma gauche. Albertville, c'est sûr. Mais... Est-ce que tu as l'année? 80... Ouah, je sais pas, 86. À moi, Flo, je dois donner qu'une seule ville? Non, tu peux... 92, plus, Albertville 92. Albertville 92. Pardon. Albertville 92 et Grenoble 68. 68. Allez. Et il y en a un troisième, du coup. Hein. Chamonix, c'est... Non, Chamonix 28. Non, Chamonix 28, c'est trop 24. Vieux. Chamonix 24. Chamonix 1924. C'est vrai? Effectivement. Donc j'ai Chamonix. Et tu as dit Chamonix. Et tu m'as bien surpris, mais j'attendais l'année. Je sentais qu'on était proche. Et ça s'est transformé en de la rapidité. Je vais donner du coup un point pour Paul, pour Albertville 92. Chamonix. Et Chamonix. 24. Mais il y a Théo qui a dit 24, donc il nous prend un petit point. Et Flo, c'est Flo qui a dit Grenoble 68. C'est 68. Et c'est bien 68. Ah, mais bon, putain, c'est bon. Je l'avais, quoi. 68 aussi. Ouais, mais Théo, sois joueur, tu auras ton heure. Allez, je vous laisse un peu d'avance. D'ailleurs, deuxième question, monsieur, et ce sera un tour de table. Okay. Ah. La Norvège a remporté le classement des médailles de ses 23e Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud avec un record absolu de 39 médailles. Mais à votre avis, combien de fois les Norvégiens ont trusté cette première place dans l'histoire des Jeux, sachant que c'est la nation qui a terminé vainqueur des Jeux Olympiques le plus souvent? Donc sur les 23 fois, combien de fois la Norvège l'a emporté? 9 fois, je dirais. Moi, 9 fois pour Paul. Première intuition, c'était 8. 8 pour Flo. Dimitri? 12. 12. Ah, tu me prends mon chiffre. Oh. Bon. Du coup, 2. Ouais, en dessous ou au-dessus, du coup, c'est la question. Sur 23 éditions, allez, 13. Allez, tente. 13. Ouais. T'es un peu ambitieux. Allez, dans le CD 3. Et en plus, il y a un tout bon. Flo, c'est 8 fois. Oh, oh, Flo est à 2 points. Oh, c'est talentueux, ça. Pression, là. Et je peux donner les années. 1924, donc le premier à Chamonix. 1928, 1936, 1948, 1952, 1968, 2002 et 2018. Donc récemment, ça a été plus difficile. Il y a eu un trou d'air après 68. Sachant qu'en 2014, c'est la Russie qui l'avait emporté à domicile à Sochi. Comme par hasard, ouais. Ouais. Sans aide extérieure. Non, bien sûr que non, c'est bien connu. Troisième question. Après, donc, on parle de moi et la Russie et de Shakhtar, et puis après, ça cloche la Russie. On reste sur les organisations et les dates, mais on partira sur autre chose ensuite. Les États-Unis, alors là, j'attends pas les dates parce qu'à mon avis, ça va se complexifier. Les États-Unis ont accueilli les Jeux Olympiques d'hiver à 4 reprises et sont à ce titre le pays du monde ayant le plus eu l'occasion d'organiser un tel événement planétaire. Mais quelles sont les 3 villes américaines, parce que ce ne sont que 3 villes sur ces 4 organisations, qui ont accueilli les Jeux d'hiver? Rapidité? Ça peut. Salt Lake City. 2002. 2002. Ouais. Ça, on sent un animateur prêt à tout, à sortir l'année quand il voit que tout le monde. J'avais le jeu sur PlayStation, c'est pour ça. Bien vu. Salt Lake City, après c'est quoi les autres? Je sais pas moi. Ah non, Calgary. Il y en a deux autres. Calgary, non, c'est... Calgary, non, c'est le Canada. C'est Canada. Il y a... C'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a une étape de Coupe du Monde sur place? Beaver Creek? Ouais, non. J'ai déjà... Ah, dommage. Non, mais ça aurait pu. Parce que il y a, je crois qu'il y a Delray quelque chose, non? Delray, non. Ah, c'est Delray. Mais comme, je sais, le, mais, comme je sais, le comme tennis, le, comme le tournoi de tennis, mais... Il y a quelque chose. Un nom comme ça. Alors, a... C'est des villes connues ou pas? C'est pas des villes connues. Ah mince. Non, j'ai pas moi. T'as pas juste l'indication. Il y a des histoires de... De relief, il y a une histoire de lac dans une ville et il y a une histoire Michigan, de vallée c'est le lac, dans l'autre. Michigan. Non. Et du coup, t'avais dit quoi, Théo? Détroit. Non, je sais pas. C'est le lac. Oui, c'est ce le lac que je cherche. je crois que personne là, on va pouvoir passer à la quatrième question. Salt Lake City était plus simple. Ouais. Une idée? Toujours pas. Non. Ça viendra pas. Alors, il y a eu Lake Placid. Ah, mais oui. À deux alors, reprises. Pas su, 1932 et 1980. Donc, pas si récent, mais quand même. Bon, et on aurait dû l'avoir. Skow Valley en 1960. Bon, ça, non. Ça, non. Mais Lake Placid, on aurait dû l'avoir. Bon, Salt Lake City, déjà, je suis content de vous. C'est bien. C'est bien. Ensuite, prochaine question. Donc là, celle-ci a fait un peu flop, mais à la quatrième, je suis sûr que vous allez vous rattraper. La Russie, ou athlète olympique de Russie, est redevenue championne olympique de hockey sur glace. On n'en a pas parlé, c'est l'occasion. Au cours d'une finale à suspense contre des surprenants allemands, 4-3 après prolongation. Les Russes sont d'ailleurs les hockeyeurs les plus titrés de l'histoire des Jeux, avec 9 titres à ce jour. Mais depuis combien d'années les Russes n'avaient pas remporté le titre olympique en hockey masculin? Si vous l'avez, ça peut être rapidité. 12 ans. 92? 12 ans, depuis 12 ans. 12 ans, donc, bon, 12 ans. 2002. Ouais. Donc depuis 12 ans, oui, c'est le nombre d'années, hein, donc ouais. Effectivement. Ouais. C'est ça. Donc 12 ans pour Flo, prochain à donner une estimation. Ouais. Non, attends, 12 ans, c'était pas 2002. Non, c'était pas 2002, du c'est coup, 2006. C'était Turin. Voilà. C'est Turin. Ouais, Turin. Toi, tu dis Salt Lake? Ouais, je dis Salt Lake. Moi, je dirais avant. Ouais, moi aussi, 98. 96. C'est Lillehammer, 96, je crois. Ouais. Moi je dirais Calgary. Chamonix. Je pensais que Théo l'aurait peut-être. Hein. Je pense que là. C'est encore avant. Là c'est très loin. C'est un peu avant, mais qui m'a Albertville. Dit 96, c'est à ma gauche. Et 96. En plus, il dit la bonne réponse juste derrière. C'est 92. Bien 92 Albertville. C'est pour ça que j'ai cru que t'avais donné la bonne réponse dans un premier temps. Donc c'était en France, donc je pensais que peut-être ça reviendrait parce que instant, c'est la Grande Russie. Instant. Instant un peu culture, c'est à 92. À l'époque, les Jeux Olympiques d'hiver et d'été étaient organisés de la même façon. Et il y avait à Barcelone, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a eu à Barcelone et du coup, et c'était à Albertville. Aussi avant, enfin bref. Avant. Et en fait, c'est à partir de 92 qu'ils changent ouais. Et on a des Jeux Olympiques tous les deux ans. Mmh. Donc il y a eu deux Jeux Olympiques en deux ans. Il me semble que c'était Albertville et. Et Lillehammer du coup en 94. Nul doute que vous vous seriez régalés tous les deux. Ah, à cette époque, ça aurait été le bonheur. Ah ouais. Ça on peut le dire. Oh, les sports and chill. Alors, de 3 heures. Prochaine question, c'est notre cinquième et ce sera un portrait d'un sportif ou d'une sportive. Alors, je suis né le 22 octobre 1996 à Trondheim. Lors des débuts de ma carrière, j'ai obtenu 5... Bjorn... Bjorgen, c'est ça. Bjorgen. J'ai obtenu 5... 96, j'ai dit. Hein. J'ai obtenu 5 médailles au championnat du monde junior à Almaty, puis à Rasnov, avant de remporter ma première médaille mondiale, le bronze, chez les seniors, en 2017, lors des championnats du monde de Lahti, en Finlande, en sprint libre. Je suis déjà monté sur 14 podiums individuels et j'ai obtenu 9 victoires en Coupe du Monde à seulement 20 Klebe. Effectivement. Ah, putain, je suis reconnu pour ma facilité qui t'a parfois agacé mes adversaires étant un fin tacticien. Ouais, il agace et mon extrême précocité dans mon sport pour arriver au plus haut niveau alors que celui-ci requiert de l'expérience et une très forte endurance. Je représente toute la réussite de mon pays lors de ces Jeux Olympiques ayant permis de faire gonfler encore un peu plus le bilan remarquable des médailles d'un pays où les sports divers sont rois. J'ai remporté 3 médailles d'or olympiques lors de mes premiers Jeux Olympiques à Pyeongchang en sprint classique et lors des relais sprint et 4x10 km. Les Français se souviendront d'ailleurs bien de moi. Je suis considéré comme l'héritier de la légende du ski de fond norvégien Peter Northug, 13 fois champion du monde. Je suis devenu le plus jeune champion olympique de l'histoire du ski de fond. Je suis Johannes Kleibe. Bravo. Johannes, prénom qui prédestine aux médailles. Là, pour le moment, après c'est chaud. J'ai Paul, Flo et Théo à 3 points et Dimitri à 1 point. Sixième question. La légende dit que Martin Fourcade appellera son fils Johannes. Ah, ça il sera, il brillera aussi encore. Mathieu sinon. Ou Mathieu pour Théo. Ce sera peut-être son deuxième prénom. Alors un autre portrait, et celui-ci est encore légèrement plus difficile, encore que ça dépend. Je suis né le 19 novembre 1999 et je suis d'origine arménienne. Je suis double championne du monde, double championne d'Europe et double championne de Russie. Mkhitaryan. J'ai remporté à deux reprises la finale du Grand Prix ISU. Je détiens le record du monde du programme libre et au total combiné. Non. Et a détenu le record du programme court. Je suis battu aux Jeux Olympiques par ma compatriote. Punaise, je sais. J'ai remporté deux médailles lors des Jeux Olympiques de Pyeongchang, une en individuel et une par équipe. Malheureusement, toutes deux d'argent. Je compte participer aux Jeux Olympiques de Pékin afin de conquérir le seul titre manquant à mon palmarès. Et je suis effectivement la médaillée d'argent derrière la très précoce russe Alina Zagitova. C'est pas Zagitova, Medvedeva ou Mazzareva ou Mozzarella. T'es pas loin, t'es pas loin. Mazzarella, t'es un peu plus loin. Medvedeva. Medveda. Medveda, ouais. Pas loin, mais bon, je crois que je vais pouvoir le donner quand même, parce qu'on était très proche. C'est Evgenia Medvedeva, ouais, qui est la championne du monde. Tu peux le donner, j'accepte. Medvedeva. Cinquième point pour Paul. Alors, ensuite, prochaine question, et normalement elle fait écho à une question qu'on avait posée un peu plus tôt dans une des émissions. Dans quelle discipline, ça peut être rapidité, le tongien, pitato, fatofua, sensation... Skitfon, ouais. Très bien, Théo. Ouais. Sensation de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'été à Rio en 2016. Non, ça, en taekwondo, a-t-il bruit, participé à ces Jeux d'hiver? Alors je crois qu'il termine quelque chose avant-dernier. Comme 154e, 155e sur 156. Mais il s'est qualifié lors de la dernière course de ski de fond fin janvier. Et c'était, je crois que c'est le seul représentant tongien. C'est très fort. C'est très, très belle perf. Et d'ailleurs, on lui a rendu hommage à la fin de la cérémonie, parce qu'il y avait un athlète de chaque continent, dont Martin Fourcade pour l'Europe. Et c'était le tongien pour l'Océanie, il me semble. Bien vu. Et d'ailleurs, j'ai été encore marqué de le voir lors de la cérémonie de clôture, alors qu'il devait faire un froid pas possible, en tenue traditionnelle. C'est l'huile, ça. Sereinement. Ça tient chaud. Voilà, ça doit être l'huile qui tient chaud. Alors, je voulais une petite question en son honneur. 4 points pour Théo, 4 points pour 5 points pour Paul. Paul domine pour le moment le quiz. On en arrive à la 8ème question. C'est money time, les gars, maintenant. Le Fergie time, c'est mon heure. Les Pays-Bas ont remporté 20 médailles lors des Jeux Olympiques de Pyeongchang. Combien dans leur discipline favorite, le patinage de vitesse? Tour de table, combien sur les 20 médailles? Combien en patinage de vitesse? En tout, pas forcément médailles. Tu comptes pas forcément le short track aussi ou pas? Ah oui. Le patinage de vitesse. Ouais. Donc non, vraiment tout à nous. Le patinage de vitesse. Sur 20, combien ils ont gagné? 19 16. 16 J'ai rien dit. Oh toi, t'es un enfant, hein, tu me mets en difficulté. je crois que c'est 16. Bon, question qui fait un flop, c'est pas grave. Improviser. Improviser, du coup, combien de médailles d'or? Ah, oh, bien joué. Sur 16. Tour de table. Flo en premier. Je vais dire, comme tout à l'heure, 8. 8. Ouais. Donc 8 sur les 16, sur les 20. Tu confirmes en main? Je ne confirme plus rien. Déjà sur 16. Maintenant Paul, qui est en tête. Donc, Je crois qu'ils ont 8 ou 9 médailles d'or. Je dirais 7. Ah, 7 médailles d'or. 7 médailles d'or. Pour dire différent. 9. Et pour Théo? Pour être différent de... Ouais, moi je vais dire 9 aussi. Je vais pas être original. Paul est on fire. 7 médailles d'or. 4 médailles d'argent, 5 médailles de bronze. Il va être difficilement rattrapable. Dernière question à 5 points. Ouais, donc là on est à 6. Ah. 3 pour Flo, 4 pour Théo et 1 pour Dimitri. Qui traîne un petit peu aujourd'hui, mais... Ils ont combien de médailles d'or en tout? Moins de NBA cette semaine. Ils ont combien de médailles d'or? Tu vois, là tu me poses une colle parce que peut-être qu'ils en ont une de plus quelque part. Je sais qu'ils en ont 7. Qu'ils en ont 7 en patinage de vitesse. Mais je crois pas, qu'ils en ont 8 en tout. J'aurais peur de dire une bêtise. Alors celle-là peut être très difficile. Et de toute façon, les deux dernières sont difficiles. Et les deux dernières sont chacune sur 2 points. Quel pays a remporté sa première médaille d'or lors des Jeux d'hiver? L'Espagne. Non. L'Espagne. Non plus. Ah bon? La première médaille d'or, du coup. La première médaille d'or? Non, c'était médaille de bronze, l'Espagne. Sa première médaille d'or. Ah, d'or? Ah non. Okay. Donc ils n'avaient pas remporté du coup, c'est vrai. Et l'Espagne avait déjà remporté une médaille d'or en plus. Mais effectivement, a doublé son total. On peut dire autant de réponses qu'on veut. Vous pouvez donner autant de réponses que vous voulez, mais très vite je vais guider géographiquement. Ce n'est pas l'Australie, ce n'est pas ce continent. Bon, en même temps il est petit. Brésil. Vietnam. Ce n'est pas un pays d'un autre continent que l'Europe, j'aide beaucoup. C'est un pays européen. La Grande-Bretagne. Monténégro. La Pologne. Sûrement pas. C'est un pays d'Europe de l'Est. Slovaquie. La Slovénie. Ils sont forts, mais on se rapproche géographiquement. Bon, là, il y a Paul qui commence à être intouchable. C'est bien la Hongrie. C'est magnifique. La Hongrie. Oh, je crois que c'est un patinage de vitesse. Bien vu, pas très loin, effectivement. On est dans les disciplines de vitesse sur l'anneau. C'est le relais 5000 mètres en short track. Ça vaut un point, ça. Qui a apporté. Ah, ça vaut un petit point, c'est vrai. Qui a apporté à la Hongrie sa première. Mais tu vas chercher les points. Ah, je gratte. Pour le suspense. Qui a apporté à la Hongrie sa première médaille d'or lors des Jeux d'hiver. Le bilan hongrois est désormais de 7 médailles, dont une en or, 2 en argent et 4 de bronze. Purée. Donc 2 points pour Paul qui a 8 points. Il nous a caché son jeu. Théo, un petit point. Allez. Point d'honneur. Maintenant, ça va être quasi pour l'honneur, mais j'espère que Théo va pouvoir me retrouver. J'ai l'impression à chaque question. Il y a combien, Théo, c'est là? Ta dernière émission. Il est à 5 points. Allez, sachant que c'est sa dernière. On va mettre le feu. On va lui proposer la possibilité de revenir à égalité. Bon, de gagner carrément, allez. Et si Je suis pas trop souple. Et si je gagne, celle-là est pas très facile, mais je pense qu'effectivement Théo en est capable. Bon là, Flo, tu vas chercher quand même, t'es à 3 points. Faut faire plus 6. C'est ton sport. Le premier mot, il trouve. Alors, c'est une citation en rapport avec le ski alpin. La piste est particulière, c'est différent de ce qu'on connaît. Les quatre premières portes secouent un peu, mais ensuite c'est vraiment un challenge de maintenir la vitesse. Il faut travailler chaque petite bosse, mais en douceur, parce que si tu travailles trop, c'est inutile. Le Super G, je ne veux plus en parler. C'est passé, j'ai la chance que les jeux ne soient pas finis pour moi. Il y a une nouvelle page à écrire et j'ai la chance d'être zen, de pouvoir skier. J'ai vu un tweet de Martin Fourcade après sa course de merde. Il a écrit « Sport de merde et c'est pour ça qu'on l'aime ». Il avait raison, quand tu gagnes, c'est parfait. Ça te comble et quand ça ne va pas, ça détruit. Fave. Mathieu Favre. Non. C'est Lynn Seven. Théo est déjà sur la piste, mais ce n'est pas Lynn Seven. C'est un défi. Il avait raison, quand tu gagnes, c'est parfait. Ça te comble et quand ça ne va pas, ça détruit. C'est ça, Ron. Mais tu continues. Ce n'est pas une Française. Fenninger. On se rapproche, mais on Schifrin. Est encore. Mais tu continues parce qu'il n'y a rien d'autre qui donne autant d'émotions que ton sport. C'est pas Schifrin, ouais. Ce n'est pas Schifrin, ce n'est pas une Américaine. Chinamadze. C'est une Européenne. Chinamadze, ça aurait pu, mais c'est une ancienne. Ouais. Et c'est une actuelle qui a participé en descente et en Super G qui était très attendue et qui n'a pas fait de médaille. Oh. J'ai fini. C'est un pays limitrophe de la France. Il aide bien. Ah, l'italienne. Ouais. Manuel n'est pas une italienne. Là, c'est une allemande du coup. Suisse. Italienne, on fait des médailles. Ça va être une Suisse. Ça aurait pu être Ravensburg qui n'a pas fait de médaille. Mais elle a pas fait. Je crois qu'elle fait. Elle s'est jugée. C'est un pays limitrophe de l'Allemagne et de la France. C'est un pays qui a remporté le Team Event. Non, elle a remporté une médaille. C'est la Ragoutte. Magnifique. Oh, ouais, j'ai laissé gagner pour ta dernière, je suis sympa. Non, égalité, c'est bon. Égalité. Que fais-je? Est-ce que je trouve une dernière question? Oui, trouve une dernière question pour te partager. Si t'en as une en tête, vas-y, sinon. Je m'invente la dernière question, et ça peut être de la rapidité. 8! Et ça tomberait bien. Attends, pour quelle? Mais la réponse. Dans l'intitulé, il y a 8, effectivement. Oh. Seulement 3 athlètes ont remporté 8 médailles d'or aux Jeux Olympiques d'hiver. Ils sont tous 3 Norvégiens. Veuillez me les citer. Bjørndalen. Dali. Bjørgen. Eh bien, on va rester à un ex aequo parfait. Si Flo nous récupère 2 points, il conforte son podium, mais nous avons la médaille de bronze. Est-ce qu'on accepte... une égalité où il faut encore que je me creuse la tête. Je pense que ça va devenir compliqué. Les points, j'aurais pas dû répondre. Effectivement, Flo aurait peut-être dû attendre. Tu connais en rugby pour trouver une question rugby peut-être. Je suis capable de vous départager sur une question rugby. Si t'en as une très rapidement parce qu'il reste 6 minutes. Non. Ouais, je vais en trouver une. Vas-y. On va faire quelque chose d'assez simple. Donnez-moi... Attends, j'en ai une. Qui est le meilleur marqueur de top 14? Ashton, c'était... Non, en point. C'est parce que ça, c'était trop facile. Ah, en point. Ben Motika. Ben Bocica. Oh, c'est bon. Allez. C'est mérité. Et bravo, ah merci bon. Flo pour l'esque là. Ah c'était wesh. Compliqué. Mais c'est fou. Il y a de la réactivité et tout chez les animateurs, c'est beau. Incroyable. Oh bon, on va terminer. Victoire donc de Paul par 9 points à 8. Et bonne par médaille de bronze quand même pour notre animateur Flo. Ouais. Non, j'ai été chercher pour l'hiver. J'ai cherché sur la ligne. On a notre Esther Ledeca à nous, masculine. C'est Paul ici présent. C'est moi. On va terminer sur l'agenda et justement, je te laisse parler du rugby cette semaine. Qu'y a-t-il en rugby? Ouh, tu me prends de court. Attends. Alors. Ah pardon, bah je les regarde. Bon. Donc il y aura le top 14. Le nation est en pause. Du coup, le top 14 sera la seule compétition qu'on pourra suivre avec le Loup qui reçoit le Rugby Club Toulonnais. Montpellier se déplace à Agen. Castres reçoit Pau, Racing Brive, Bordeaux, Toulouse et le dimanche on a Oyonnax me semble-t-il qui reçoit le Stade Français, oui, et Clermont qui reçoit La Rochelle. Donc une gros match. Voilà. La Rochelle. Espérons que Montpellier saura se rassurer à Agen. Bien. NBA. Donc ce soir j'ai à vous proposer Jazz contre Rockets et mercredi Bucks contre Wizards et Heat contre Sixers. En tennis, il y a l'ATP 500 de Dubaï, notamment les Français, Souza contre Herbert, Nishioka contre Père. D'ailleurs, Père a gagné, je l'ai vu pendant l'émission. Coric contre Gasquet et un qualifié contre Pouille. A savoir que la tête de série numéro 1, c'est Dimitrov sur ce tournoi. Il y a aussi le 500 d'Acapulco avec notamment Manarino qui jouera contre un qualifié. Et le numéro 1 du tournoi, c'est Rafael Nadal. Et 250 de Sao Paulo, mon fils, qui est bail du coup. Corentin Moutet qui jouera contre Pella. Et donc le numéro 1 c'est Ramos Vignolas sur tournoi. Et WTA donc chez les femmes, Acapulco également, donc Sloane Stephens contre la première du tournoi, donc tête de série numéro 1 sera opposée donc à notre française Parmentier et Mladenovic et Cornet joueront contre des qualifiés. En cyclisme, dimanche début de quelque chose d'important puisque c'est le début du Paris-Nice. C'est le début de la saison, on peut dire. Pendant environ une semaine, début de la saison cyclisme, c'est ce que j'avais marqué. À noter qu'il donc il n'y aura pas de Chris Froome du côté des Sky, mais Henao, Pouls qui seront là. Il y aura aussi donc les outsiders français, Julien Alaphilippe, Barguil ou encore Tony Gallopin chez AG2R. Oh, bien. Au niveau des autres outsiders internationaux, Ilnur Zakarin, Esteban Chavez, TJ Van Garderen, Boke Mollema, Jakob Fuglsang, Tim Wellens, Marc Soler, Robert Gesink ou encore Lars Boom. Il y a du lourd. Il y a très lourd. J'ai des étoiles dans les yeux quand je t'entends parler de cyclisme avec tous ces bonnes. Peut-être j'ai une spéciale cyclisme. Handball, championnat. Donc Nantes-Saint-Raphaël, gros match en handball cette semaine. Et Toulouse-Dunkerque, ce sera mercredi. Et donc le gros match évidemment sera PSG. Montpellier, ça sera jeudi. En Champions League, Rijeka recevra Nantes pour le dernier match de Champions League en poule. Barcelone recevra Szeged, PSG recevra Kiel. Et donc, fin des barrages aussi donc pour les poules basses. Skjern recevra le Motor et Montpellier recevra Ademar Leon. En football, mardi, donc demain, l'Espagnol Real, match de Liga, puisqu'il y a Liga cette semaine. Coupe de France, début de la Coupe de France des quarts, je le dis parce que c'est Lens, les Herbiers qu'on donc recevra Lens en premier match de Coupe de France, mercredi. Liga également, toujours donc avec Bilbao-Valence notamment. Coupe d'Italie, les demi, avec la Juve contre Atalanta et aussi Lazio-Milan. Coupe de France encore également mercredi, Chambly-Strasbourg et notamment PSG-Marseille. Jeudi, Première Ligue, puisque c'est le match en retard, et le même match qui a eu lieu ce week-end, Arsenal contre Manchester City. Et Coupe de France, le dernier match qui opposera donc Caen à l'Olympique Lyonnais. Ce week-end, foot étranger, les gros matchs du foot étranger, il y a Lazio-Juventus, Séville-Bilbao, Naples contre la Roma, Barcelone recevra Atlético Madrid, City recevra Chelsea, et le derby en Italie entre Milan et l'Inter. En Ligue 1, donc Monaco recevra Bordeaux, 3 recevra le PSG, Montpellier, on l'a dit tout à l'heure, recevra l'Olympique Lyonnais, et le match du dimanche soir, Marseille contre Nantes. Je pense qu'on est OK sur tous les agendas, merci. Presque. J'ai une dernière info, alors je ne peux pas aller rechercher tous les sports d'hiver qui allaient revenir, parce que eux, après les JO, ils ne s'arrêtent pas, en fait. La saison continue, hein. c'est le placement de ces Jeux Olympiques qui le vaut. Aussi. Il y aura les JO paralympiques, mais on pourra en reparler la semaine prochaine, parce que je crois que c'est la semaine encore suivante. Donc pas donné dans l'agenda actuellement, mais juste pour donner, alors bon, je fais la part belle aux plus grands des sports d'hiver sur le papier, en tout cas. cas de ski alpin, avec les épreuves à Crans Montana, Super G Dame, combiné alpin dame, et à Kranjska Gora pour les hommes, en Slovénie, En Slovénie, donc ouais, grand ski, magnifique. Avec le géant et le slalom dès le week-end prochain. Retour de Marcel Hirscher et d'Alexis Pinturo. Allez tous à Kranjska Gora, c'est magnifique. Merci. On va passer au pronostic. On va le refaire le même que l'autre fois, sauf qu'on reparle de l'autre côté. J'allais dire ça, mais en fait, c'est pas du tout cette semaine, PSG Real. C'était dans 3 semaines, donc encore 2 semaines. Ouais. C'est pas pourquoi j'ai pronostiqué ça. Est-ce que vous avez un autre match à 10 jours pronostiquer? Ah, on peut faire PSG Montpellier ou handball, parce que c'est un gros match. Donc ouais, je préfère faire ça. Puis on fait pas beaucoup de hand, donc à moins que t'avais une autre idée. Ouais, j'avais La Rochelle Clermont. Ou La Rochelle Clermont. On fait les deux, tiens. On va rapide. La Rochelle Clermont. La Rochelle. La Rochelle. Un score ou pas? Non. Rugby, non. C'est compliqué au rugby. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit si simple que ça, mais La Rochelle quand même. Avec bonus, moi, La Rochelle, je dis. Ouais, bonus ou pas, on peut dire ça. Bonus. Bonus. Non, pas de bonus. Pas de bonus. Allez. La Rochelle sans bonus. La Rochelle sans bonus. Mais sans bonus pour Clermont non plus. Hein. La Rochelle sans bonus aussi. La Rochelle sans bonus. Et moi, La Rochelle bonus aussi. Donc, PSG Montpellier ou handball. De l'autre côté, Dimitri. PSG. PSG. Allez, Montpellier. Montpellier, MHB, c'est à Coubertin. Ouais, ça paraît, Coubertin. Ah, je pense. Ça me fait mal au cœur. Ouais, c'est compliqué parce que PSG n'aime pas jouer Montpellier. Mais. Non, je veux dire Montpellier. Moi aussi, ça me fait mal au cœur, surtout que je porte une veste MHB aujourd'hui. Mais je vais mettre PSG parce qu'il n'y a pas Valentin Porte, donc je ne les sens pas trop. Sur ce coup-là. Donc on verra bien. Je vais finir par donc les remerciements. Merci d'ailleurs à Benjamin et Etienne d'être venus pour parler de Quidditch. C'était fortement intéressant, comme toujours. Et ceux qui veulent, je le rappelle, tester le Quidditch, n'hésitez pas. Je remercie les auditeurs de nous avoir écoutés. Et aussi la technique, hein, Arnaud, qui est toujours là avec Tom. Nous. Tom, pardon. Désolé. Je suis désolé, Tom. Je me dis, Arnaud a bien changé. Ouais. Merci à Tom d'être avec nous ce soir, comme toujours. Et très bon. Ça a été très bon. Remerciements à mes chroniqueurs d'être venus ce soir, et notamment à Théo, qui effectuera peut-être, je l'espère pas, hein, mais sa dernière aujourd'hui. Ça sera la dernière en un petit moment, je pense. Ouais. Et pour ça, je termine sur le son de la semaine, qui est Martin Fourcade. C'est le sprint pour la victoire du relais mixte pendant ces jeux, avec le sprint contre Simon Champ. Et on va terminer Martin sur ça. On va terminer sur ça. Désolé du petit retard. On retrouve tout de suite une nouvelle émission sur Radio Campus Montpellier, et nous on se retrouve comme d'habitude pour une émission très très spéciale. Ça sera au Krebs la semaine prochaine pour une émission spéciale sport féminin pour la semaine la journée de la femme, évidemment. Du coup, c'est la Mastart, non? Si c'est contre Champ, exactement. Ouais. Bon, j'ai dû me tromper, c'était pour le relais. Un bout de ski. Et donc, on se retrouve nous la semaine prochaine. Merci à toi, Flo, au Krebs de Montpellier. Et nous, voilà, 19h-21h sur Radio Campus Montpellier. Salut à tout le monde. Merci. Le drapeau français, Martin Fourcade qui fait son entrée. C'est un moment historique. Martin Fourcade devient l'athlète français le plus titré au jeu. Il permet à la France de remporter une 5e médaille d'or aux Jeux d'hiver, ce qui n'a jamais été fait. Mais surtout, il offre avec l'équipe de France et ses partenaires Marie Dorin, Anaïs Bescon et Simon Détieux le titre mixte. C'est fabuleux. Aujourd'hui, c'est la journée de l'homme, c'est la journée de la femme, c'est surtout le soir du bonheur, le grand soir pour l'équipe de France.